jusqu'à 20h, c'est le Bifor Party Fun avec JB et Adrien Thomas sur Fun Radio. I was blinded by the city lights. When it came to relationships, man, I couldn't seem to get them right. Yeah, I used to hesitate, but now I don't wanna wait. No more, no more, no more, no more. I know that I've been an angel, that's a fact. Please don't get me wrong, but I don't wanna be the player that ends up all alone. But now that I have you in my heart, in my life, I'm here to give my all. I ain't holding back, I ain't holding back, nah, nah. I ain't holding back, I ain't holding back, nah, nah. I ain't holding back, I ain't holding back, nah, nah. I ain't holding back, I ain't holding back, nah, nah. I ain't holding back, no holding back, no holding back, no holding back, no holding back, no holding back, no holding back, no holding back. Girl, you shine so bright, yeah, now I've seen the light. When I'm with you, it's just like some other girls, they fade away. When a girl like you comes by, they gotta think about it, it's right. You know, you know, you know, you know. I know that I've been an angel, that's a fact. Please don't get me wrong, but I don't wanna be the player that ends up all alone. But now that I have you in my heart, in my life, I'm here to give my all. I ain't holding back, I ain't holding back, I ain't holding back, I ain't holding back, I ain't holding back, I ain't holding back, I ain't holding back, I ain't holding back, I ain't holding back, no holding back, no holding back, no holding back, no holding back, no holding back, no holding back, no holding back. Hardwell et Craig David pour terminer ce Before Party Fun sur Fun Radio. Ce soir à minuit, le retour d'Adrien Thomas qui reviendra du concert de Justin Bieber. Ouais, je vais filer là ce soir. Alors d'ailleurs, j'ai trouvé un super remix de DJ Snake et Justin Bieber. Je vais démarrer l'émission ce soir à minuit avec du Let Me Love You. Restez là donc. À 22h, le Night Show avec Marion et Anso et Soprano en invité. Et aujourd'hui, là, 20h, c'est Love in Fun avec le Doc et Karel. Bien sûr, avec beaucoup d'invités également. Alors, qui ça? Ah bah, le fils du Doc sera avec nous ce soir. C'est sur Ruben. Les invités, nous, c'est les auditeurs. Ah, oui, c'est vrai. C'est ils vrai, sont c'est tous vrai. Invités. C'est et important ils de sont get stars à chaque fois. Voilà, ce sont les stars de l'émission, les auditeurs. Voilà. C'est important. Bah, bonne émission donc avec les guest stars, auditeurs et auditrices. Merci, ils sont nombreux à attendre. C'est parti, on démarre Love in Fun. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio, Love in Fun, et oui, on y est, ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne journée, on va passer une excellente soirée, c'est sûr, avec vous tous, vous toutes, vous êtes les stars de cette émission, comme Doc l'a dit, bonsoir Doc. Salut, salut à toutes et tous. Salut la star. Non, moi je ne suis pas une star, bah, les auditeurs sont des stars, c'est pas pareil. Mais bien sûr, nous sommes vos serviteurs chaque soir, et j'aimerais beaucoup avoir une servante comme Alice. Ça va Alice? Vous prendrez bien un peu de thé monsieur? Oh oui, bien sûr, s'il vous plaît, plaisir. Godefroy est à l'arrière, on est très content qu'il soit là comme chaque soir, et un nouveau pain ce soir j'imagine à la réalisation de cette émission. Bien sûr, Kassim, ouais. Kassim, le producteur de cette émission. C'est ça, je me ferais bien sucer moi. Oh, il est aussi à ses heures producteur de sperme. c'est un peu le problème. Non, mais à quel moment on peut penser que t'es vraiment le producteur, le petit chef de cette émission? Sur le salaire. Ah oui, d'accord. Tu le remarques. Okay, je comprends mieux. On a récupéré quelqu'un dans l'équipe qui nous avait manqué. Elle était partie en Chine. Cindy, c'est une grande musicienne. Et ouais. Oh bah. Dis-le à tous ceux qui... Mais bien sûr, qu'est-ce que tu joues comme instrument de musique? Je fais du violoncelle. Et t'es parti pendant une semaine en Chine? C'est ça, ouais, avec l'orchestre de la Sorbonne, du coup, on a fait ça avec les Chinois. Bravo. Applaudissez quand même. Là, on a une star dans l'émission. Ça y est. Ah bah oui, pour moi, là, je suis admiratif. Ah oui, bien sûr. Vraiment. Je parle sérieusement. Hein. Et alors, qu'est-ce que t'as appris en Chine? Qu'est-ce qui t'a marqué? Le chinois. Un chinois qui a roté en plein concert, mais genre vraiment il était à l'aise quoi. Il a roté deux fois. Il était musicien? Je sais pas. Ça a fait quoi dans le concert? Mais non, mais en vrai ça a un petit peu résonné dans la salle. C'était improbable. On s'est tous regardés. On savait pas ce qui se passait. Mais voilà, donc les Chinois sont à l'aise avec ça apparemment. Donc, donc, voilà. Guillaume est content de récupérer Cindy. Hein. Ah, je suis hyper content. Ouais. Je suis très heureux qu'elle soit là. Et bah, c'est parti au standard 01 42 48 5000. C'est toute une équipe qui vous accueille et on va accueillir notre auditeur du soir. C'est Timothée. Bonsoir mon Timothée. Salut Karel. Salut Doc. Salut Alice. Salut la famille. Salut voix de beau gosse. T'as 13 ans. Tu nous appelles de Reims, toi, Timo? J'ai 12 ans. Ah pardon, ok. 12 ans, putain, sans déconner. T'es en quelle classe, toi, Timothée? Je suis en 5e. D'accord, et tu voulais faire de la radio avec nous pendant les 2 heures? Et je suis passionné de radio. Ah ouais, en plus, tu veux devenir tu veux piquer notre place, quoi. Non, peut-être pas, mais bon, si on me le propose... Ah mais je dirais pas non. Ah, il a déjà le sens du compromis, il s'est habilement avancé. T'as une radio sur le net? Je vais animer la semaine prochaine sur une web radio. Ouais. Sinon, je fais de la radio associative locale. D'accord. Il joue déjà un petit peu. Il commence à 12 ans. Ah, bravo, Timothée. Merci. Non mais sans déconner, ça me fait plaisir. Timothée, tu restes avec nous. Lucas, oh, pas de problème. Nous rejoint sur Fun Radio. Il a 19 ans de Nancy. Bonsoir mon Lucas. Salut Lucas. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Eh ben, bonsoir Lucas. Tu nous appelles pourquoi? Alors en fait, le problème c'est que donc je suis avec ma copine depuis un an et demi. Donc au début, tout se passait très bien. Ouais. Mais là, le problème, bah, c'est que ça fait, on va dire, peut-être 2-3 mois que j'ai une petite impression qu'elle s'éloigne, en fait. C'est-à-dire, elle s'éloigne Avant, on faisait plein de trucs ensemble et tout, on passait du temps ensemble, et maintenant, elle me fait croire qu'elle peut pas venir et tout. Donc, elle est avec qui? Comment ça, avec qui? Elle avec ses amis, ou alors... après, c'est ce qu'elle me dit. Après, je sais pas qui... Est-ce que tu lui as posé la question cruciale? Bah, on a déjà essayé d'avoir une discussion, mais aussitôt elle va s'énerver ou alors elle va me dire j'ai des trucs à faire ou voilà. Non mais c'est quoi la question cruciale, Doc? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce que tu m'aimes? Ah oui, je lui ai déjà demandé. Bah elle m'a dit oui, qu'elle m'aimait et tout. Mais... Alors pourquoi tu t'éloignes de moi? Pourquoi tu ne poses pas la question tout simplement? Non, je lui ai déjà posé la question. Et elle ne veut pas entendre parler. Okay. Voilà, c'est ça. En gros, elle fuit le sujet. Alice, quand une fille fuit le sujet, justement, est-ce que c'est mauvais signe? Ah bah oui, c'est mauvais signe si elle veut éviter la confrontation. Bon, après, c'est pas forcément hyper négatif. C'est peut-être qu'elle-même ne sait pas exactement quoi répondre pour l'instant. Faudrait déjà lui parler, effectivement. Bon, on va l'appeler. Mais en même temps, voilà, ça se passe bien pour le reste, sexuellement. Lorsque vous êtes ensemble, oui. Alors, si elle ne veut plus, en plus, plus coucher avec lui, ça veut tout dire. Les levrettes, ça roule? Non, j'ai pas dit ça. Ça allait pas trop mal par un temps. Attends. Ça veut dire que maintenant, c'est quand même beaucoup plus light. Bah ouais, on couche encore ensemble, hein, ça arrive. Ouais. Mais ça arrive, oui, c'est ça. D'accord. Une fois de temps en temps. J'ai l'impression que c'est plus grand amour comme avant. C'est vrai, mais en même temps, c'est savoir gérer une relation qui dure, quoi, c'est ça. Hein. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oh, Lucas, on va lui passer un petit coup de téléphone, tu vas lui parler, tu vas lui poser la fameuse question que t'as dit, Doc, là. Hein, oui. Et derrière, nous, on écoute tout et on débrief avec elle après, d'accord? D'accord, ça marche. Nous allons t'aider, Lucas. C'est parti, on appelle Laura. J'espère qu'il n'y a pas un mec derrière tout ça. J'espère aussi. Allô? Oui, Laura, c'est Lucas. Salut. Ça va? Oui, pourquoi tu m'appelles en masqué? Bah, je suis avec le téléphone d'un pote, là, c'est pour ça. Mm-hmm. Ouais, donc du coup, voilà, je t'ai appelé parce que, comment te dire, on a déjà essayé d'en parler, hein, tu le sais très bien. Donc je voudrais savoir, la question cruciale, pourquoi tu t'éloignes? Enfin, pourquoi c'est plus comme avant entre nous? Bah, comme je te l'ai dit, ça fait des mois que ça va plus. Pour toi, tout va bien, mais moi, pour moi, il faut arrêter, quoi. On a fait une pause, on a réessayé et ça te va toujours pas, quoi. Oui, mais bon, je ne vois pas, comment te dire ça. Je ne vois pas ce qui a pu nous amener ici. Bah, toutes les disputes, tous les coups foireux qu'il y a eu. Ah oui, ça, on ne vous en avait pas parlé. Bonsoir Laura. Salut Laura. Salut Laura, c'est ta radio préférée. T'es Fun Radio. Bonsoir. Bonsoir, en direct. Ouais. C'est Love in Fun. Je m'appelle Karel. Il y a Doc qui est là, Alice. Salut. Et Lucas nous a appelé ce soir dans l'émission parce que voilà, il voulait comprendre en fait. Ouais. En fait, il nous a donné une version qui n'est pas exactement la même que la tienne. Pas du tout. Mais alors, on avait l'impression que tout allait bien. Que oui, des petites levrettes de temps en temps. Il nous a dit. Il n'a pas dit ça vraiment. Mais toi, tu nous donnes une version où t'es en mode. Enfin, on a l'impression que tu vas partir, quoi. Bah, tu lui as fait comprendre en fait. Oui. Ouais. Lucas. Pourquoi t'as pas entendu ça ou c'est la première fois qu'elle te le dit ce soir ou tu veux pas entendre? Si bah on en a déjà parlé, enfin elle m'a déjà mis des trucs comme ça, mais après on était quand même, enfin on restait ensemble même s'il y a eu une petite pause et tout, mais parce que là ça a l'air clair pour c'est ce que j'ai bien compris, ouais, ouais. Ça a l'air clair aussi. Laura, est-ce que tu penses avoir été vraiment totalement clair ou est-ce que de temps en temps t'as pas tendance un peu à finalement avoir peur de le larguer? Voilà. Bah disons qu'on se connaît depuis l'enfance, donc je tiens à lui, mais plus comme un ami maintenant. D'accord, donc là c'est très très clair. Et tu lui reproches quoi exactement? Parce que tu nous as dit qu'il y avait eu des histoires, c'est quoi les histoires? Il y a eu des tromperies? Non, pas jusque là, mais bon... Ouais, des petits bisous. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre? Bon bah cache, oui, pendant qu'on y est. Hein. Oui. Bah pendant qu'on y est, oui. D'accord. Ah oui, bah pendant qu'on y est, Lucas va passer une sale soirée là. Non mais attends, moi je suis. T'as quelqu'un depuis combien de temps là? Attends, c'est ouf là. Quelques mois. Alors, bon, Lucas, il faut que tu comprennes. Je pense qu'elle a fait comprendre. Et comme toujours, quand il y a des difficultés dans un couple, on n'ose pas, on a peur de faire de la peine. Mais finalement, tu comprends, Laura, que la peine est encore plus forte parce que plutôt que d'avoir été sincère, t'as voulu le ménager un peu, ne pas le troubler, du coup, bien, oui. C'est encore pire. Donc maintenant, c'est cash, vous n'êtes plus ensemble. C'est ça que ça veut dire, Laura. Voilà. Lucas, je suis désolé pour toi, parce que franchement, je pense que tu avais un peu de mal à le comprendre. Bah, tu vas être obligé, oui, en plus, c'est pas très grave, ça, c'est plutôt au niveau des sentiments que ça ne va pas. Tu vas être très triste, donc il va falloir accepter cette séparation, tu comprends? Bah, je voudrais surtout comprendre pourquoi elle ne me l'a pas dit avant, parce qu'on s'est encore vu il y a deux jours. Parce qu'elle tient à toi et qu'elle voulait pas te faire de la peine, et souvent ça arrive. Oui, voilà, elle voulait te ménager un peu, ne pas te le dire frontalement. Elle ne savait pas comment te le dire, n'est-ce pas, Laura? Voilà. Voilà, maintenant c'est dit. Oui. Voilà. Bon, c'est même clair, on va dire. Ouais. Bon, Lucas, en tout cas, tu voulais être fixé, là, t'es clairement fixé. Est-ce que tu souhaites parler un petit peu avec Laura en antenne? Parce que je pense que vous avez quand même des choses à vous dire, rapport à la tromperie depuis quelques mois. Ah bon, imagine. Bah ouais, je voudrais un peu plus d'explications quand même. On va te la repasser. Laura, tu acceptes? Bah c'est bien d'être clair à un moment donné. Non mais attends, oui. Laura, t'as traîné, t'as pas été clair. Tu ne vas pas faire plus de mal. Je pense que, voilà, dire la vérité, ça fait mal sur le moment, mais au moins c'est clair. Et pour l'autre, c'est plus facile de se repérer, peut-être d'être très triste, d'être malheureux, d'aller se tourner vers ses amis, sa famille, pour être un peu consolé, mais au moins c'est clair. Alors que là, il est dans une sorte de souffrance latente. Alors, sois clair une bonne fois pour toutes, sans être obligatoirement ni agressive ni méchante. On va les laisser un petit peu en antenne, justement, pour qu'ils puissent s'expliquer. Et on va accueillir Quentin, 15 ans de plus tôt. Bonsoir, Quentin. Salut, Quentin. Salut, Quentin, t'es là? Ouais. Ça va, Quentin? Salut, l'équipe, ça va et vous? Ça va, t'appelles pourquoi, Quentin? Alors, moi, je vous appelle parce que j'aimerais savoir s'il est possible de spermer pendant son sommeil. De spermer. D'éjaculer. Je sperme, tu spermes, nous spermons. Vous spermez, il sperme. Restez bien avec nous. Dans un instant, on conjugue le verbe spermer. Après Sigala, tout de suite, tout le monde. Suivez-nous sur Facebook. La page Love Fun. Let the beat. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. Turn down the fun. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Allô? Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel.

22h. Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Et n'hésitez pas à vous inscrire là maintenant. Nous appelons au standard 01 42 48 5000 pour participer au défi. Fallait pas demander. On vous offre d'ailleurs un jeu mortel, No Man's Sky, sur PlayStation 4. 01 42 48 5000 pour jouer avec nous. En attendant, montez le son pour écouter Sigala et Give Me Your Love. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. Give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah, oh yeah. Give me your love. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Une vraie libre antenne hein, tous les soirs sur Fun Radio avec du son que vous pouvez choisir. Hein. N'hésitez pas à nous appeler au standard 01 42 48 5000. Vous pouvez le faire aussi sur le Twitter en mettant bien le hashtag Love in Fun ou directement sur la page Facebook de l'émission. Devenez fan et vous choisissez la musique. Une chose est sûre, on écoutera tout à l'heure dans l'émission la dernière bombe de Sia avec The Greatest. Le clip est juste mythique. On se le mate en boucle hein, pendant la journée dans les bureaux. Et il y aura aussi un son qu'on voulait absolument vous passer ce soir. Et c'est une petite surprise de Godefroy. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on va écouter ce soir, Godefroy? Calvin Harris, My Way. Le nouveau Calvin Harris. My vous avez découvert d'ailleurs sur Fun Radio. La première fois, c'était dans Bruno, dans la radio. En attendant, on va accueillir Quentin. Quentin, Quentin, il a 15 ans, il est de plus tôt. Ça va, Quentin? Ça va, salut. Et vous, toute l'équipe? Ben, ça va bien. Salut. Ça sperme? Ça se perme. Ça se perme ou pas ce soir? Ah bah carrément. Ah ça se perme fort. Ah bah très fort. Ah bah tu nous appelles pourquoi Quentin? Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors bah oui donc moi justement je voulais savoir s'il était possible d'éjaculer en plein sommeil parce que moi ce matin je me suis levé avec une tâche. Surprise. Ce matin je me suis une tâche dans mon caleçon et enfin ça ressemblait à du sperme. C'était la première fois. C'était un peu croûteux. Ouais, non, voilà, c'est un tu dur, peux, ouais. Ça s'appelle une pollution nocturne. Ah. C'est un mot un peu bizarre. En fait, oui, tu peux avoir des orgasmes pendant le sommeil. Les filles aussi également. Non. Ça se produit de façon voilà, assez simple parce que tu as une activité cérébrale durant ton sommeil. Ça, c'est une évidence. Dont, effectivement, des rêves érotiques avec des érections possibles, 4 à 5 par nuit. Donc, tout ça est possible, c'est normal. Quentin, ouais. Tu rêves que tu fais l'amour à des filles la nuit ? Ouais, c'est ça. En fait. Ah bah voilà, et tu te souviens de tes rêves ? Non, justement, c'est je me souviens de rien du tout, justement, et c'est pour ça que ça m'a un peu étonné, voilà. C'est un peu relou, après, quand tu vas voir maman qu'elle lave tes vêtements. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, enfin, tu vas pas non plus. Tu vas pas regarder les vêtements de ta mère. Les sous-vêtements, non. Ça reste discret, c'est bon, quoi. Non, mais je parlais pas des sous-vêtements, je parlais des siens, Doc. Oui, bien évidemment, mais voilà, les sous-vêtements, ça s'appelle sous-vêtements, oui. Alice, tu jouis pendant la nuit ? Ah bah bien sûr, j'éjacule très régulièrement dans mon caleçon. Ça m'est déjà arrivé d'avoir... Non, pas de jouir pendant mon sommeil, mais de me réveiller en mode j'avais l'impression d'être en train de faire l'amour alors que pas du tout, quoi. Donc dans ces moments-là, mieux vaut pas dormir seul parce que t'es vraiment deg, en fait. Hein. Moi, je vais te dire, Quentin, ça m'est déjà arrivé aussi. Ça m'a dû m'arriver deux fois, je pense. Mais, c'est pas mal, c'est quand même. Très perturbant parce que moi, je me réveille après. Et voilà quoi, t'as du sperme partout dans ton calbut. C'est dingue. Mais tu te souvenais du rêve ? Non, même pas, non. Mais c'est le pouvoir du cerveau, Doc. Ouais, sans faire de va-et-vient, on peut éjaculer. Certainement. Et ben voilà. Voilà. Donc tu peux être. Moi surtout, j'ai eu de la chance parce que là c'était le caleçon, mais après les draps ils auraient pu prendre aussi, tu vois. Et bien voilà. Sois prudent dans ton lit dorénavant, d'accord Quentin ? Oui, bah, t'inquiète, je gère. C'est normal. Salut, attends, on n'a pas demandé à Timothée, notre auditeur du soir, s'il avait déjà une pollution nocturne, comme tu dis, Doc. T'es là, Timothée ? Ouais, je suis là, Karel. Ouais, je suis là, Karel. Alors, on éjacule la nuit ? Non, pas du tout. Mais en même temps, s'il rêve d'Alice, c'est normal. Hein. Ah, oui. Et toi, tu éjacules pas tout court encore ? C'est ça ? Non. Ben oui, parce que t'es en pleine puberté. Ah, ça va venir. Voilà, ça va venir. Tu dois faire ta puberté en ce moment, ça va venir bientôt. Bientôt, tu seras un homme, Timothée. Ouais. T'as hâte, hein ? Je viendrai vous remplacer. On a reçu un message, Alice. Ouais, exactement, un message d'Elodie. En fait, elle a donné son numéro à un mec il y a quelques jours. Enfin, ils ont fait un échange de numéros. Sauf que depuis, elle a toujours aucune nouvelle de lui. Donc, elle se demande si elle doit attendre qu'il lui écrive pour le tester un peu ou au contraire, faire le premier pas et lui écrire. Allez, hop. D'accord, comment on fait dès qu'on a un numéro de téléphone ? Comment bien faire les choses pour qu'est-ce que ça qu'on marche. Ferait à sa place ? Est-ce qu'on lui écrirait tout de suite ou on attendrait qu'il fasse le premier pas ? Voici DJ Snake sur Fun Radio. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Give up. Snake, Justin Bieber sur Fun Radio. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. Et ça, c'est nouveau hein, dans l'émission depuis la rentrée. On vous vient en aide, comme vous faites d'ailleurs assez souvent hein, pendant l'émission. Mais là, rubrique spéciale, l'appel à l'aide. Et ce soir, c'est Théo qui a besoin de nous. Théo, il a 17 ans, il est de Vitel. Bonsoir, mon Théo. Salut l'équipe. Théo. T'as décidé de faire appel à Love in Fun ce soir pour t'aider à faire quoi exactement? Raconte. Bon, en fait, j'appelle parce qu'en fait, ma meuf qui m'a quitté, en fait, elle continue toujours de me contacter souvent parce qu'elle est jalouse et tout. Du coup, j'aimerais qu'elle, qu'elle me laisse tranquille. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te harcèle? En fait, comme j'avais avant sur Snap et tout, par exemple, quand je traîne avec des potes filles et tout, elle m'harcèle toujours ou des fois, elle essaye de revenir et puis après, elle repète un câble et tout. Mais c'est elle qui t'a largué? Oui, c'est elle qui m'a largué. Oui. C'est pas logique alors. Normalement, si elle te largue, elle te laisse tranquille. Hein. T'as eu une discussion avec elle un peu? Oui, j'ai une discussion avec elle. Et elle te dit pourquoi elle t'embête? Bah, parce qu'elle est toujours jalouse et tout. En fait. Ah, parce qu'elle est toujours amoureuse de toi. Donc, la meuf te largue et elle est toujours jalouse. D'accord. Mais en fait, lui, elle m'a quitté en juillet en fait. Elle s'est remise avec moi en août et puis en fait, je me suis remis avec pendant 2 semaines, donc jusqu'à des allers-retours. En fait. D'accord. Ok. Et du coup, voilà. C'est jamais bon les allers-retours, Doc. Hein? Non, c'est pas bon. Ouais. Bon. Alors, ce qu'on va faire, Théo, c'est qu'on va lui passer un petit coup de téléphone à Shona, okay. D'accord. Tu vas lui parler. Ouais. Tu veux qu'on lui parle ou tu veux qu'on joue 4 sur table? Ouais, je veux. On va lui dire qu'elle est en direct, d'accord? Ah, bien sûr. Okay. C'est parti, on appelle Shona. 4 sur table. Allez, c'est parti. Allô? Oui. Salut Shona. Okay. Salut, c'est Karel, t'es en direct sur Fun Radio. Salut. C'est Doc, je te le présente, il est plutôt beau gosse. Mais te fais pas d'idée, il est maqué avec Katoche. Oui, d'accord. Je te présente c'est Alice. Salut. T'es en direct sur Fun Radio, Shona, t'es contente? Oui. Eh ben voilà. Ah bah cache tes joies. J'ai une, bonne surprise pour toi en fait, ce soir. Quelqu'un qui compte, ou qui a compté pour toi, qui s'appelle Théo, nous a appelé. Oui. D'accord, tu connais Théo? Oui. C'est qui Théo pour toi? Je sais pas. T'as pas un copain qui s'appelle Théo que tu appelles souvent? Elle a dit je sais plus. Ah. Je sais plus. Parce que Théo, en fait, nous a appelé ce soir. Tu peux lui expliquer, Théo, on t'écoute. Ouais. Bah vas-y. Bon, en fait. On va pas non plus faire tout le boulot à ta place, Théo. Hein, ouais, Théo, tu te bouges, vas-y. Faut lui dire. Ouais, bah parce que j'aimerais que, comme on est tous ensemble, j'aimerais qu'arrête d'être jalouse et tout, en fait. Ouais, ok. On te réveille, Shona, tranquille? Ouais. Ouais. Petit roupillon, là, à 20h30. Ben oui, elle se repose. C'est fatigant de... D'aller à l'école? Oui. C'est vrai. Bon, alors Théo, tu veux quoi exactement, Théo? Parce qu'on n'a pas compris. Tu veux être avec elle, plus avec elle? Bah, juste qu'elle m'arrête de m'harceler. Non, attends. Je crois que Shona, elle en a rien à foutre, elle est en train de bailler. On peut commencer par le début. Tu ne souhaites plus avoir de relation amoureuse avec elle? Ouais. Bon, ça c'est clair. Shona, t'as compris? Ouais, bon. Donc, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce que tu peux ne plus l'embêter? Bon, oui. Ok, voilà. Eh ben, c'était facile d'appel à l'aide ce soir. Franchement, tranquille. Eh ben, écoute, merci Shona. Bonne nuit. Demain matin, en disant, il me semble qu'il y a des mecs qui m'ont appelé. C'est ça. Putain, j'ai cru que j'étais passé sur Fun. Rêve ou quoi, Théo? Tu m'as appelé, elle va se dire ça. Ouais. Voilà. Shona, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, à bientôt. Salut. Salut, gros bisous. Théo. Ouais. Ah, comme une lettre à la poste, mon pote. Hein? Je suis pas sûr qu'elle se souvienne demain. Mais bon. Tu nous tiens au courant, hein, Théo, d'accord? Ok, pas de problème. On rappellera tous les soirs, sinon. On appellera plus tôt parce qu'elle s'endort à 20h30, quoi. Salut, mon Théo. Salut. Ciao à toi. Message d'Alice qu'on a reçu. Un message, en fait, d'Elodie, c'est ça. Exactement. Qui sait pas trop comment réagir, en fait. Bah, elle a donné son numéro à un mec, sauf que ça fait quelques jours, elle a toujours pas de nouvelles. Donc, la grande question, c'est est-ce qu'elle devrait attendre qu'il lui écrive pour tester un peu et savoir ce qu'il pense d'elle? Ou alors faire le premier pas et puis se lancer? Dites-nous, qu'est-ce que vous faites, vous, généralement, quand ça se passe comme ça? 01 42 48 5000. Le défi, fallait pas demander dans pas longtemps. Et voici Nils Van Zandt et Unified. Nils Van Zandt sur Fun Radio Unified. 20h, 22h. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 0-1-42-48-5000. Fun Radio. Plein de messages encore hein, ce soir sur le Facebook de l'émission Love in Fun, le Twitter hashtag Love in Fun, le Snapchat. N'hésitez pas à aller voir notre story là tous les jours il y a une nouvelle story à mater. Le Snapchat pour nous ajouter c'est Love in Fun Radio. Petit message Alice. Un message de Clément, j'ai jamais eu l'appendicite, est-ce qu'on est obligé de l'avoir un jour? Non du tout. Avant on opérait beaucoup lorsqu'il y avait des douleurs abdominales et à tort des appendices. Maintenant il y a les échographies, il y a d'autres examens, donc on le fait beaucoup beaucoup moins. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une pathologie sournoise qui peut donner ce qu'on appelle une péritonite sans voir venir. Voilà. Et on a reçu aussi un autre message d'Elodie, donc, qui a donné son numéro à un mec et elle ne sait pas quoi faire. Il ne lui a pas écrit. Est-ce qu'elle doit lui écrire la première ou est-ce qu'elle doit attendre qu'il le fasse pour tester un peu ses sentiments? Grande question, qu'est-ce que vous feriez à sa place? Est-ce que ça sent bon ou pas, surtout? Oh bah ça pue. Parce que tu donnes... Enfin, je veux dire, le mec, il a le numéro de téléphone et le mec, il n'envoie pas de message. Admettons qu'il l'ait perdu. Qu'est-ce qu'il risque de l'appeler? Imagine, il l'a perdu, il l'a mal noté. Oh, vous êtes tordu. Imagine, il a peur. Non, comme elle. Pas du tout. Ça arrive à des gens très bien. Ah non, elle ça t'est arrivé sûrement, d'accord. Oui, bien sûr. Elle l'appelle. À des gens géniaux. Ah oui, des gens formidables. Elle l'appelle. Il y a deux solutions. Non, ça ne m'intéresse pas. Oui, ça m'intéresse. Voilà. On va accueillir Robin qui veut réagir, justement. Robin, il a 22 ans de Paris. Bonsoir, Robin. Salut, bonsoir. Robin. Salut, bonsoir, Robin. Salut. T'as déjà eu des numéros de téléphone de filles, toi? Ouais, quand j'étais hôte de caisse à Carrefour. Hôte de caisse à Carrefour. Ah, tu pécho quand tu bosses à Carouf? Ah, bah ouais. Ah ouais, sans déconner. Putain, tu pécho genre quoi? Comment ça se passe? Bah, il y a les. Bah, tout ce qui bouge. Non. Ah, je pécho tout ce qui bouge, d'accord. Non, c'est quand la fille m'intéresse, oui, j'appelle à Carrefour, mais j'ai eu des numéros de filles qui m'intéressent. Attends. Raconte, donc tu passes les articles à la caisse, c'est ça? Voilà, et de temps en temps, il y a des clientes qui t'aiment beaucoup et qui te donnent leur numéro de téléphone. Ouais, qui font des sourires et tout et qui commencent le jeu de séduction. Ah ouais, c'est bon ça. Mmh. Ah bah oui, mais même entre collègues. Hein. Et même quand elles achètent des tampons? Et quand elles achètent des boîtes de capotes, tu leur fais un petit... Hein? Non, ça m'est pas arrivé. D'accord, et alors qu'est-ce qui se passe quand t'as un numéro de téléphone, toi? Comment tu réagis? Généralement, t'es le premier à appeler, t'attends qu'elle appelle. Alors... Bah, si c'est la fille qui donne le numéro et qu'elle m'intéresse, j'appelle le soir même. Ah ouais, mais direct. Sinon, ça sert à rien. Si elle m'intéresse pas, je mets le papier à la poubelle, point barre. Voilà, bah moi je suis d'accord. Je pense que ça pue, hein. Tout simplement pour Elodie, hein. Elle a pas de nouvelles du mec. À moins qu'il ait perdu, ouais. Mais bon. Elle appelle, c'est tout. Lindel, t'es là? Sindel. Oui. Sindel, oui. Ça va, Sindel? Ah, bien vous. Ah oui, t'as 27 ans, toi? Oui. Tu nous appelles d'où? Très loin, oui, donc la ville. D'accord, ok. Et toi, t'as déjà eu... Tu sens que t'es sur la route, là, hein? Oui. D'accord, fais attention, bébé. Hein. On avait dit... Fait... Pour m'arrêter. D'accord. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Comment t'as réagi, toi? En fait, moi, donc aujourd'hui, ça fait un an que je suis avec mon chéri et ça m'est arrivé avec lui. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés dans un bar qu'on fréquente tous les deux et on a placé l'un sur l'autre. On s'est pas échangé du tout les numéros. C'est juste qu'on avait un ami en commun qui a publié une photo de lui. Du coup, j'ai demandé à l'ami et il m'a accepté. On a discuté et c'est même moi qui lui ai proposé le premier verre. Ah ouais, donc toi, t'as fait le premier pas et ça a marché. Bah ouais, voilà, ouais. Faut pas avoir peur, faut se lancer dans la vie. Qu'est-ce que vous risquez? Je me suis dit, de toute façon, le pire que je peux avoir, c'est un non. Donc Mais oui, bien sûr. Elle dit non, bah, au revoir, salut, et puis tu le revois plus. Bah ouais. Bah, et Sindel, merci beaucoup. Oui. De rien, bon, tu fais attention sur la route, hein. D'accord. Oui. Gros bisous. Et Elodie qui doit nous écouter, qui pouvait pas passer à l'antenne ce soir, ma chérie, il tente de l'appeler là. Dépêche-toi, hein, je pense. Hein. Ouais. 01 42 48 5000 pour nous appeler tous les soirs sur Fun Radio. Alors attention, parce qu'on va se faire le défi, fallait pas demander dans quelques instants, et puis on sera avec Arnaud, 21 ans de Bordeaux. Bonsoir Arnaud. Salut Arnaud. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. T'appelles pourquoi? Ben alors, moi je vous explique, je suis en couple, mais je pense encore à mon premier amour. Ah ouais. Oui, d'accord. Okay. T'as pas fait le ménage dans ta tête, toi. Ah, faire le ménage dans sa tête, c'est important. On en parlera dans quelques minutes. Il y en a plein hein, qui sont dans ta situation, Arnaud. Tu sais, quand t'as du mal à oublier à une personne voilà, qui t'a vraiment marqué, dites-nous comment est-ce que vous avez fait, là, 01 42 48 5000. On parle de la vie tous les soirs sur Fun Radio. On écoute des sons énormes, Major Lazer avec Boom. Tous les soirs, 20h, 22h, c'est Love in Fun. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio.

fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes, en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Love You Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Fun Radio. Tous les soirs en direct, hein, pendant 2 heures, de 20h à 22h, du dimanche au jeudi, c'est Love In Fun sur Fun Radio. On est filmé tous les soirs, donc en streaming, hey, directement sur le site de funradio.fr. On vous fait tous des petits coucous. Hein. Et si vous voulez, si téléchargez l'application Fun Radio, vous pourrez la trouver hein, sur l'App Store, Google Store, tout ce que vous voulez, pour ensuite nous regarder en live chaque soir pendant l'émission. Alors ici, tout peut arriver. On a Arnaud qui est avec nous ce soir. Il a 21 ans de Bordeaux. Il vient d'appeler le 01 42 48 5000. Il est avec nous. Salut Arnaud. Salut. Bonjour. Bonjour Arnaud. Raconte-nous. Et ben en fait, voilà, ça fait 9 mois que je suis avec ma copine actuellement. Et sauf que des fois, j'ai encore des flashs de mon ex, alors que ça fait plus d'un an et demi qu'on s'est quitté. C'est quoi les flashs? Et ben, quand par exemple, voilà, j'ai quitté Facebook, quand je tape une lettre et que je revois ses photos, ouais, ça me fait mal. Ça te fait mal, c'est-à-dire que tu es toujours amoureux? Tu chiales, putain. Ah, est-ce que tu es toujours amoureux? Non, amoureux, j'irai pas jusque-là, mais ça me... Oui, voilà. T'es nostalgique? Tu repenses? Parce que c'était beau, oui, votre histoire. Elle t'a largué ou tu l'as largué? Un peu des deux. Ah, d'accord. Tu regrettes? Oui. Oui, alors actuelle, oui, mais alors que je devrais pas, parce que je suis très heureux actuellement. Voilà, c'est ça. L'histoire actuelle, c'est une grande histoire d'amour. L'histoire actuelle, avec ma copine actuellement? Ouais, Oui. Oui, c'est une grande histoire d'amour. T'es heureux, tu l'aimes? Ah oui, je suis très heureux. Oui, je suis très heureux. Tu t'en fous des flashs. Tu t'en as rien à faire, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent parce que t'as pas oublié. C'est une histoire qui a existé dans ta vie. Mais surtout pour autant, le premier amour, Doc. Oui, mais et pour autant, t'as pas envie de retourner avec elle. C'est ça le plus important. Tu regrettes pas, voilà. Et comme t'es dans une histoire belle, mais arrête, attends. Vous êtes trop dans l'excès du tout. Non, t'as une vie avant, t'y repenses de temps en temps. Oui, c'est normal. C'est normal, Doc, aussi. Enfin voilà, c'était son premier amour. C'est hyper important. C'est ce que je viens de dire, hein. Ouais, non, mais quand même, quoi. Je viens de dire qu'il n'y a pas à avoir de culpabilité, ni voir d'une chose anormale. Ça n'empêche qu'il aime cette fille, la nouvelle, et que pour autant, de temps en temps, il repense à elle. C'est pas grave. Est-ce que tu continues de la voir, de l'apercevoir de temps en temps? Non, du tout. En plus? D'accord. Non. Déchire ses photos. Ah. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai tout supprimé. T'as tout supprimé. Oui, tout supprimé. Pourquoi pas. C'est une autre époque maintenant. Non, mais attends, est-ce que tu serais capable de la revoir, de lui parler normalement? Je sais pas. Normalement, je sais pas. D'accord. Donc t'as quand même été marqué. Mais écoute, c'est pas grave. Mais je pense que tu vois, si tu la rencontrais, ça ferait tomber un peu le mythe. Sûrement, parce qu'elle a changé. Peut-être qu'elle a un mec et c'est et puis ça. Que quoi. La réalité fait que quelquefois. Tu restes sur une image quoi. Gaëlle est avec nous, 22 ans de Dijon. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Salut Gaëlle. Le premier amour. Attends, tu t'en souviens? Oh oui. Qu'est-ce qu'on était cons et jeunes à l'époque. Ouais, on va dire ça comme ça. Alors vas-y, raconte. Est-ce que ça a été important pour toi? Est-ce que t'as eu du mal à l'oublier? Ouais, franchement, ouais. Moi, on s'est mis ensemble on est restés ensemble un an, il y a 6 ans. Donc ça fait 5 ans qu'on est séparés. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, demain, il vient, il me dit je veux qu'on se remette ensemble. Franchement, j'y retourne. Mais ah ouais? Putain, c'est ouf. Ah mais c'est... Oui. 5 ans après, quoi. Ouais. Ah bah parce que t'as pas de mec, quoi. Mais t'as pas trouvé d'histoire d'amour, surtout. C'est pas faute d'avoir essayé, entre guillemets, c'est juste que je trouve pas quelqu'un, en fait, avec qui je me sens aussi bien et qui me correspond aussi bien. Et pourquoi, selon toi, ça s'est arrêté? À cause de moi. Enfin, qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'étais très jalouse, très possessive, très... Voilà. J'espère que ça va donner une petite leçon à tous les gens jaloux et qu'ils vont comprendre que c'est un tue-l'amour. Ah mais c'est horrible ce que tu dis, parce que quelque part, t'es en train de nous dire que tu t'en veux, quoi. C'est presque un regret pour toi, quoi. Ah mais je m'en veux complètement. Ah, il est au courant, hein. Alors d'aujourd'hui, on se parle encore, il le sait. Hein. Mais il veut pas revenir avec toi. Non, lui, il a refait sa vie et et on reste amis. Il y a une cohérence dans tout cela. T'es à la fois très jalouse et possessive et en même temps, t'arrives pas à te séparer de ton passé. En fait, dans la réalité, quand on vit des histoires comme ça, c'est vrai qu'on a à vivre des histoires d'amour dont on doit faire le deuil, et toi, tu n'y arrives pas. C'est cette question qu'il faut te poser. Pourquoi tu es scotché à ton passé? C'est pas que je suis scotché à mon passé, c'est que je suis scotché à lui, en fait. Non, mais c'est pareil, peu importe. T'es scotché à ton passé. Nul n'est irremplaçable. Bon, ça dépend. Nobody is irreplaceable. Non, mais je te le dis parce que il faut que tu le comprennes. C'est sûr, tu peux rester... En fait, je vais te dire, quelquefois, on se colle comme ça à une histoire impossible. Et on s'y attache. Et on ne veut pas la lâcher. Ce qui pose un problème, c'est que ça t'empêche d'avoir d'autres relations. Voilà. C'est là que tu dois peut-être commencer à réfléchir. Mais j'ai eu d'autres relations. Hein. Non, de bonnes relations. On ne parle pas de... une grande histoire d'amour. Quoi. Une vraie histoire d'amour. Enfin, si tu veux quelqu'un qui, dans quelques années, quand tu repenseras à ton premier amour, limite, tu te diras, mais qu'est-ce que je foutais avec lui? Alors, je suis tellement bien avec mon mec, quoi. Oui. Vu qu'il écoute en même temps, on va lui faire un petit bisou. Hein. Ah. Mais, comment il s'appelle? Mathieu. On l'appelle Mathieu? Bon, ça va aller. Moi, j'aime quand on appelle tout le monde, moi. Non, mais attends, il est avec sa nouvelle copine, je suis pas sûr. Ah oui, c'est vrai, merde. J'avais un peu zappé ça. Merci. Reste avec nous, Gaëlle. On a Nélia aussi qui est là, qui veut réagir, 25 ans de Dijon. Bonsoir, Nélia. Salut. Nélia. T'as eu du mal à oublier ton premier amour, toi? Alors, moi, je l'ai oublié. En fait, moi, je suis forte. Je l'ai oublié, mais facilement, quoi. Parce que aujourd'hui, je ressens de la haine. Mais vraiment de la haine. Ce qui n'est pas anodin. Qu'est-ce c'est t'a une fait façon d'aimer. Il m'a fait du mal. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il pensait pas à moi, il pensait aussi à ses activités à côté, mais trop. En fait. Rapproche-toi du téléphone, ma chérie. Il s'occupait pas de toi Oui, entre guillemets, il s'occupait pas de moi, quoi. Ouais, il était très égoïste, quoi. Et ça fait 5 ans qu'on était ensemble. Ouais. Et je l'ai jeté comme une merde. Et puis aujourd'hui, je me sens très très bien. J'ai un nouveau copain, je me sens très très bien. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment... Enfin, un premier amour, au bout d'un moment, quand on est avec quelqu'un, faut l'oublier, quoi. Si on est casé aujourd'hui avec quelqu'un de bien, faut oublier son premier amour. Tu as raison, je suis d'accord faut avec avancer. Toi. C'est même pas oublié, en fait. Ça a existé, et puis jamais, voilà, quoi, c'est tout. Jamais en faire le deuil, ne plus être nostalgique, ne plus y penser, ne plus y rêver. Même sur Facebook, il tape son prénom sur Facebook, mais pourquoi il la bloque pas? Comme ça, il repense plus à elle. C'est vrai. Parce que moi, je serais sa copine. Arnaud. Non, mais je le quitterais. Elle te parle, Arnaud, là? Oui, sur Facebook là. Non mais elle a raison. Et ben voilà, il faut peut-être passer à autre chose sérieusement. Bah oui, faut parce que là, tu perds ton temps. Bien avec la personne, passe à autre chose, quoi. Et c'est ça se trouve tu vas gâcher l'histoire que t'as en ce moment, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Je suis d'accord. Ouais, merci. Ah. Allez, bah c'est, oui, clair, c'est, hein, vrai. Elle, c'est clair, c'est carré. Ah, bien bon. Sûr. On a Timothée, notre auditeur du soir, qui va absolument réagir. Timothée, un commentaire. Ouais, bah moi de toute façon, mon premier amour et mon dernier amour, c'est vous, Louis. Oh, il est trop mignon. D'accord. Ça, c'est parce qu'il a jacqué Lupin encore. Ah oui, et c'est ça. Et Timothée, tu t'endors pas quand même là, hein? Non. On dirait que t'es dans ta couette là. Ah non, pas du tout. D'accord. C'est sa voix de lover. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et bah Arnaud, j'espère qu'on t'a filé des petits conseils là, qui sont plutôt cool avec Gaëlle, Elia, tout le monde là. Ouais, bah merci à tous. Hein. Bah ouais, je sais quoi faire maintenant, mais bon. Voilà. Bon courage. C'est important. Tu vas y arriver. Mais bien sûr. Tu vas y arriver. On est tous derrière D'accord. toi, Arnaud. Ok? Merci. Salut mon pote. Salut. Allez, au revoir. Ciao Arnaud. 01 42 48 5000. Cindy est avec nous. Bonsoir Cindy. Coucou, salut Doc, Karel, salut Alice. Salut. Faites comme Cindy, hein, 01 42 48 5000, libre antenne tous les soirs. Vous appelez, on vous met directement à l'antenne. C'est gratuit en plus, on vous rappelle. Donc n'hésitez pas. Cindy, t'appelles pourquoi toi? Bah, c'est pour faire le défi, fallait pas demander. Ah, hey, et tu vas appeler cool. qui, Cindy? Mon frère Jonathan. Qu'est-ce que tu vas lui demander, Jonathan? Est-ce que tu peux me prêter une chambre pour baiser? Bien sûr. Ben voilà, dans un instant sur Fun Radio après Major Lazer. Voici Boom, c'est Love in Fun tous les soirs. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a pile of. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfucking day. Baby drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home, we pass it. Rider, break a cup. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a gal is, I'm in Santa forever. Major Lazer, boum, sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Et on adore ça, on le fait tous les soirs à 21h. Le défi, fallait pas demander. Ce soir, nous avons une championne qui s'appelle Cindy. Elle a 24 ans, elle nous appelle de l'an. Bonsoir Cindy. Coucou Karel, Doc et Alice. Salut. Cindy, tu connais bien le principe du jeu ou pas? Oui. Alors, toute la semaine, on vous offre le jeu sur PlayStation 4 No Man's Sky, un jeu futuriste. Pour ça, pour le gagner, il faut tout simplement poser une question qui va énerver la personne de ton choix. Yes. T'as choisi qui? Mon frère, Jonathan. C'est quoi la question qui pourrait l'énerver, Jonathan? Peux-tu me prêter une chambre pour que je baise? Ah oui. C'est cash. Ah oui, parce que il a de la place à la maison, toi t'en as pas, quoi, c'est ça? Voilà, moi je vis chez mes parents, alors. Ah ok, d'accord. Eh ben, y a pas de problème, Cindy. On appelle tout de suite Jonathan. Est-ce que tu peux me passer une petite piole pour que je fasse ma petite affaire? On y va. Bon courage, Cindy. Ouais, ça va. Il n'est pas prêteur. Hein. Il n'est pas prêteur. Allô, oui, bonjour. Nathan. Depuis quand tu m'appelles en numéro masqué? Là, bah désolé, c'est une fausse manique. C'est pas grave. Eh, dis, est-ce que tu peux me prêter une chambre pour que je baise? Quoi? Mais c'est quoi cette connerie? Bah, tu sais qu'en ce moment, j'ai besoin de thunes, alors ça serait cool que je vende mes fesses. Non, mais attends, tu me charries, là? Bah, non. Si, là, tu fous de ma gueule. Bah ouais, mais bon... Je sais bien que tu pars. En plus, je suis en manque de cul, alors autant besoin de l'utile l'agréable. Non, mais tu... Non, mais attends, non. Non, tu fous de ma gueule. Non, il y a d'autres solutions, écoute, on peut trouver quelque chose. C'est de l'argent, après, si je peux... Bah, non, mais attends, Non, mais attends, tu t'es débarrassé de ton connard. Tu t'en as enfin débarrassé. Non mais attends, stop. Allez, je te cite 10% sur mes recettes. Non mais je veux pas. C'est pas un problème de sous. C'est pas les sous le problème. Tu peux pas faire ça. Non, c'est pas possible. Là, t'as enfin réussi à trouver un peu de stabilité, tu vas partir dans des conneries comme ça. Si t'as besoin d'argent, on peut t'en passer. C'est pas là le problème. Non mais attends, tu deviens complètement folle là. Bah, et si j'ai 20 thunes et je veux m'en procurer toute seule comme une grande? Non, mais attends, tu peux bosser, tu peux trouver un boulot, mais merde, c'est pas un genre tout ça. Non, mais attends, t'as commencé il y a 3 mois. Tu vas quand même pas faire ça. Ah, vaut mieux une chance que les bois. Ouais, non, mais, attends, oh, tu te fous de la gueule, le qui? Tu peux pas faire ça. Bah, je suis direct mon client, puis tu peux comprendre, t'es mon frère en famille. Non, je peux pas comprendre, non. Il est d'accord. Hein? Il est d'accord. T'es qui, toi? C'est mon client. Mais il attend, là. Dépêche-toi de me dire, s'il te plaît. Non, tu lui fous un coup de pied au cul, tu le charques, tu l'envoies valser. Mais il est pas question. Il a une grosse bite. Mais je m'en branle. J'en ai rien à carrer. Absolument rien. Il y a d'autres façons de gagner sa vie. Je te le passe. Bah oui, mais attends, mais tu vois, je te le fous en l'air. Oui, allô. Hé, connard. Oui, allô. Tu touches pas ma sœur. Oula. Allô. Doucement, allô. Oui, mais bonjour, je m'appelle Georges. Oui, mais je m'en fous ton prénom, je m'en ai rien à branler. Non mais attends, Mais quoi? Bon, moi je veux juste un petit plan facile, efficace, j'ai un peu d'argent, j'en profite. Mais t'es pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qu'on veut, parce que là j'ai une grosse érection, et moi j'ai des besoins. Non mais t'as des besoins, pas autrement. Des besoins. M'as-tu une vidéo, je sais pas, mais lâche ma sœur. Des besoins. Non, il n'y a pas de besoin là-dessus. Gros besoin. Non mais c'est du gros n'importe quoi. Besoin de baiser. Non, c'est pas avec ma sœur que tu vas faire tes besoins. Baiser. Arrête tes conneries. Baiser. Putain, connard. Baiser. Non mais repasse-moi ma sœur, toi. Baiser. Dégage. Dégage, connard. Dégage. Il va pas me parler. Non. Ah non. Allô, ouais, bah j'étais déjà en train de le branler, là. Écoute, non, t'arrêtes tes conneries. Tu rentres, t'as ton père sur qui tu peux compter, t'as nous, tu vas arrêter tes conneries, tu vas rentrer de suite. D'accord? Entre frères et sœurs, rien à foutre. Non, il n'en est pas question. Tu vas arrêter tes conneries. Ta chatte. Il est en train de me déshabiller. Ouais, bah, écoute, tu fais tes vacheries sans moi, mais alors là, non. Oh. Non, franchement, non. Oh, quelle belle cul. Putain. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Non, là, franchement, non. Allô? Allô? Oui, c'est Georges. Non, mais va te faire foutre, toi. Jonathan? Oui. Tu es en direct sur Fun Radio, Jonathan. Hein? Tu es en direct sur Fun Radio dans toute la France. Jonathan, tu viens de te faire piéger par ta frangine Cindy. Dans le défi, fallait pas demander. Oh non! Bravo, Cindy! Oh non! Ça a été trop fort! Bravo! Non, mais t'es sérieux? Ah, mais bien sûr! Ah, bah oui, heureusement! Putain. Ah, parce qu'il est monté. Ah, il est monté en pression, Jonathan! Attention! Cindy, la bonne nouvelle, c'est que tu repars avec ton jeu No Man's Sky sur PlayStation 4. Bravo, Cindy! Ouais. Bravo. Alors, on pourra faire une petite partie avec ton frangin, parce qu'il est vraiment bien ce jeu. Vous allez pouvoir. Je le ferai jouer. Ah ouais. Non, tout va bien. Cindy ne va pas devenir péripatéticienne. Hein. Ce n'est pas le but. Au contraire, tout se passe bien. Par contre, elle avait envie de gagner un petit jeu et puis surtout de délirer avec nous sur Fun Radio, Jonathan. Ah t'inquiète. Ça va mieux, hein. Respire, Jonathan, respire. Je redescends. Je redescends. Il réalise. Eh ben, ça va. On vous fait des gros bisous à tous les deux. Bravo, merci. Jonathan, merci beaucoup. Salut. Merci à tous les deux. Salut, Jonathan. Ciao. Salut. Fallait pas demander. Dans Levin Fun. Sur Fun Radio. 01 42 46 5000, hein, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Dans un instant, le chiffre d'Alice. Qu'est-ce qui se passe ce soir, Alice? Écoute, on va parler des sextos et des photos hot que certains font tourner auprès de leurs potes et qui parfois tombent entre de mauvaises mains. Ah ouais, surtout si ça tombe entre de mauvaises mains, qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, ça peut même se retrouver sur Internet hein, quand c'est accompagné d'une petite photo. Ça, c'est le pire. Ou d'une petite vidéo. On vous attend en réaction, n'hésitez pas si ça vous est arrivé. Appelez-nous, voici Martin Garrix. That the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side. Would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy. Martin Garrix sur Fun Radio, c'était In the Name of Love. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h 22h. Sur Fun Radio. Dans l'émission tout à l'heure, je sais que vous l'adorez, on écoutera The Parakeet avec Save Me. Il y aura aussi la dernière bombe de Sia avec The Greatest. Si vous connaissez pas, franchement, c'est à découvrir. C'est juste énorme ce son. En attendant, on va accueillir Samuel au standard à 01 42 48 5000 dans le Vin Fun. Samuel, t'as 15 ans, bonsoir. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Ça va? T'es en forme ce soir? Ouais, tranquille, et vous? Bah super, au top. On t'écoute mon poteau. Bah en fait, je mange pas de viande et je voudrais savoir les conséquences et Si la viande aux céréales, c'est bon pour le corps. Ok. Alors ça, c'est végétarien et végétalien. Il y a ceux qui mangent des produits d'origine animale, mais pas d'animaux. Mm-hmm. Des œufs, du lait, du laitage, qui sont riches en protéines, donc il n'y a pas de carence. Il n'y a pas de carence dans ce cas-là. En revanche, ceux qui ne mangent aucun produit d'origine animale, peuvent être largement carencés, notamment en protéines et en éléments nutritifs essentiels. Ce sont les végétaliens. Voilà. Donc, si tu manges des œufs, si tu manges du lait, des laitages, toutes sortes de choses comme ça, il n'y a pas de problème vraiment. D'accord. Voilà. Et tu manges quoi, finalement? Je mange des steaks aux céréales, mais je trouve ça dégueulasse. Ah oui. Mais alors, c'est toi qui t'y es mis ou c'est tes parents qui mangent comme ça aussi? Donc, du coup, tu manges comme eux? En fait, je ne mangeais pas de viande parce que ça m'a dégoûté et j'ai demandé à mes parents. Attends, t'entends très mal. Tu allais demander à tes parents, oui? J'ai demandé à mes parents d'acheter des steaks aux céréales et en fait, j'ai trouvé que ça n'avait pas de goût. Okay. Ouais. Et tu manges du fromage, tu manges des œufs, tu manges des choses comme ça? Oui, oui. T'as pas une petite carence en vitamine C, là, dis donc? Non, parce que t'as l'air un petit peu mou, un petit peu molasson, Samuel. Et... Mange vite de la viande! Est-ce que tu prendrais du poisson? Un sanglier! Est-ce que tu prends du poisson? Oui, oui. Oui, alors t'es pas carencé. Non, mais alors, pas de danger. Moi, il y en a de plus en plus. Pas vraiment végétarien. Doc, il y en a de plus en plus qui deviennent végétariens. C'est vrai qu'avec les vidéos qu'on voit, qui circulent sur les réseaux sociaux, où tu vois comment ça se passe dans des abattoirs, t'as juste pas envie de manger de viande, quoi. Et c'est vrai ça, je suis d'accord. Putain, moi, et d'un côté, c'est tellement bon, quoi. Enfin, c'est vrai, c'est. Oui, parce qu'on est habitué. Voilà. C'est tout ça. Voilà. Mais bientôt, on sera obligé de manger. Vas-y. C'est dégueulasse de voir, par exemple, les animaux se faire tuer. Ouais, je suis entièrement d'accord. Même s'il y a des règles d'abattage qui sont devenues de plus en plus précises et qui, en principe, se font sans faire souffrir l'animal. Voilà. Parce que, généralement, tu sais, quand tu vas au McDo, t'as tes nuggets, etc., tu te demandes pas comment est-ce que ça a été fabriqué et vaut mieux pas, je pense. Hein, parce que sinon, quelle horreur, il n'y a rien de pire. Mais je pense, je suis désolé pour les bouchers, je pense qu'on pourrait consommer moins de viande, ça c'est sûr, c'est une certitude. Ouais. Et que de toute façon, avec le temps, on sera obligé de manger d'autres sources de protéines, et notamment peut-être, pourquoi pas, des insectes, où le rapport, si vous voulez, la qualité et quantité de protéines et la production est beaucoup moins délétère. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous, avec les troupeaux de vaches, de moutons qui rotent et tout ce qui pète, ça, d'abord, il y a déforestation. Enfin bref, on consomme pas mal de d'herbes et ainsi de suite. Et puis surtout, ça augmente la couche d'ozone. Il paraît, ouais. C'est vrai ça. Voilà. Cassim, t'as une solution, toi? Ouais, moi j'ai une solution à tout ça. Je bouffe des chattes. Comme ça, il n'y a plus de soucis de viande ou quoi. Putain, Cassim! Comme ça, c'est bien. Ah oui! Ah putain, elle était préparée, ça, là, j'espère. Parce que je bouffe des chattes, c'est vraiment très fort. Ça a bon goût, en plus. Ah, ok, d'accord. Non, mais on peut en parler de ça. Il y en a, Samuel, je sais pas ce que t'en penses, mais qui mangent, par exemple, du cheval. Du cheval. Ça me dégoûte. Ouais, bah, tu t'adores les chevaux, toi, Doc. Ouais, tu montes une belle jument, là, en ce moment, d'ailleurs. Pardon? De qui parles-tu, là? Oh, je sais pas, non. D'abord. Non, mais voilà, c'est quand même chaud. Et c'est par rapport à notre éducation, par rapport à voilà la société dans laquelle on vit. C'est comme en Chine. Bah Cindy, toi qui reviens de Chine, est-ce que t'as mangé du chien, du chat? Bah écoute, je sais pas, j'espère pas, mais j'ai pas vu beaucoup de chiens, donc j'ose imaginer qu'ils sont tous dans les assiettes. Mais C'est sûr. Ils mangent du rat là-bas. Tapez, mangez du rat en Chine, vous allez avoir sur des photos sur les bords de la route. Ouais. Vous avez... Ne tapez pas. Non, sur une tige, en brochette. En brochette, ouais. Des brochettes de rat. Brochettes de rat. Mais oui, c'est horrible. Mais le rat frit et caramélisé. Non, mais sérieux, ils font vraiment ça, quoi. Je tape, vas-y. Brochette de rat. Attends, si, vas-y, je le fais. Brochette de rat en Chine. Ne regarde pas, Karel, sérieux, ils le font vraiment. Brochette de rat en Chine. Et le font aussi avec les chiens. Chine. Ah non. Oh là là. Mais non, regarde pas ça. Tu vas vomir. Ah non, regardez pas là. Direct. T'as la première. J'ai envie de vomir. Sérieux. Bah oui, mais c'est horrible. Ouais, moi, je regarderais pas. Et tu sais que j'aime pas les rats, mais j'irai pas les bouffer. Hein. Ouais, non, mais bien sûr. Il y en a comme ça qui bouffent des trucs chelous. Mais c'est culturel. Ce ouais, dit, bien sûr. C'est très culturel. C'est pas dans ma culture de bouffer ça. Samuel. J'ai une question. Oui, ouais. Alors Samuel, pour le coup, là, je t'offre le César du pire téléphone de la soirée. Ouais. Donc, vas-y rapidement, mon poteau. Hein, parce que tu sais, on fait de la radio, il y a des gens qui écoutent. Là, qui vont s'agacer. Hein, ils vont se dire, putain, ils abusent. Vas-y. Alors, Samuel. Par contre, oui, Dodge, ça fait combien de temps que tu es sur Fun Radio? Parce que mon père, il me dit, on avait un Dodge aussi dans le temps. Moi, je fais des breaks dans ma vie. Je vais, je viens.

Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. About to land. After years of joy. Life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground. Hard to walk again. You told me how to fly. You drove my hand. You saved me, saved me. Save me sur Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 0142 48 5000. Sur Fun Radio. Et on lit vos messages tous les soirs entre 20h et 22h avec Alice. Des petits messages qui sont arrivés sur Facebook, Twitter et le Snapchat de l'émission. Un message de Rémi sur le hashtag Love in Fun. Les meilleures soirées, c'est vraiment avec vous qu'on les passe. Merci Rémi. Et un message de N15. Pourquoi des personnes sont racistes? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'ils sont cons. Non, bah ouais. Oui, je pense que c'est la peur de l'autre, la crainte, c'est jamais rationnel, c'est évidemment, c'est absurde. Et c'est surtout nier. Nous sommes tous différents, c'est pas qu'une question de race en plus. C'est justement la différence qui fait la richesse. C'est la tolérance hein, aussi. Hein. Non, c'est le respect de l'autre. On doit respecter tout le monde et voilà. Donc, on peut en parler de ça hein, ouais. Aussi hein, à l'antenne hein, si vous voulez n'hésitez pas. La tolérance, vous ça veut dire qu'il y a une raison. Tu vois, tu as toléré quelqu'un. Non, tu respectes qui que ce soit. Si vous êtes raciste, appelez-nous. Voilà. Hein, expliquez-nous pourquoi voilà, vous êtes raciste, par exemple. Moi, j'aime pas les chiens. mais d'où ça sort, ça? Bah, c'est vrai, j'aime pas. J'ai 4 chiens à la maison. Ah oui, bah, j'aime pas. Ils vont te manger, continue pourquoi comme ça. Ils font concurrence avec leurs poils, c'est ça? Non, c'est mais... sûrement ça, ouais. On a Laura qui est avec nous. Laura au 01 42 48 5000. Elle a 24 ans, elle est de Tours. Bonsoir, Laura. Salut, Laura. Bonsoir, tout le monde. Salut, Laura. On t'a proposé un truc, toi? C'est ça. Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Donc un plan cul à peu près 5-6 personnes. C'est une amie qui m'a proposé ça et je connais donc elle et en plus de ça une personne dans le lot. Ouais. Et après donc les autres personnes je ne les connais pas. Oh. Et j'ai jamais fait ça, ça me tente, mais je sais pas, je connais pas du tout, donc je sais pas. Je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment. C'est une. Oui, bon, d'accord, ça s'appelle une partouze. Enfin, c'est extrêmement banal. Une toutouze? Oui, bon. C'est banal, tu trouves, Doc? C'est pas banal oui, de faire une partouze. Oui, moi, bah, j'ai jamais fait de partouze. Hein. Oui, non, mais attends, je pense que c'est surtout. Enfin, bon, moi, je pense pas que ce soit une source d'épanouissement. Mais enfin, bon, certains imaginent une espèce d'hypersexualité comme ça, qui n'a rien à voir avec ce qu'est la réalité de relation sexuelle épanouie. Je ne pense pas que l'hypersexualité soit un mode de sexualité épanouie. Mais bon. Mais, alors, si je peux me permettre, Laura, ça peut aussi ressembler à un vieux coup fourré, quoi. Ouais. Il y a une espèce d'écho quand je parle. Bonsoir. Bonsoir à tous. On dirait un DJ en boîte, tu sais. Ça va ce soir? Non, je sais pas, c'est peut-être ton téléphone, Laura, où t'as mis le haut-parleur? Ben non, du tout. Est-ce que tu vas bien ce soir? Ah oui, ça marche. Alors, Laura, du coup, la vraie question, c'est est-ce que, enfin, je sais pas, il faut que tu rencontres les mecs avant. Ça se trouve, c'est un vieux plan foireux qui va se terminer dans une cave et, enfin, tu vois. Je sais pas, c'est une amie qui me propose ça, donc je me dis, ça doit être un truc. Enfin, elle est habituée à ça. Elle a déjà fait et tout? Ouais. D'accord. Mais elle t'a dit que c'était bien. Quel genre de relation tu as avec elle? Est-ce que, par exemple, t'as déjà eu des relations un peu sexuelles ou pas avec elle? Non, c'est une amie, mais après, voilà quoi. Oui. Pourquoi t'as envie? Bah, je sais pas, c'est l'inconnu, je me dis, ça doit être sympa, et pourquoi pas, enfin. Mais tu vois, je sais pas comment. Tu vois, je me dis, est-ce que tout le monde fait l'amour en même temps? Enfin, est-ce que, tu sais, il y en a qui regardent? Enfin, j'arrive pas à... Bien sûr qu'il y en a qui regardent, évidemment. Il y a des gens qui regardent, il y a les amateurs, il y a ceux qui agissent, oui, tout ça, oui, voilà, bon. La seule personne dans l'équipe qui a fait une partouze, enfin, je sais pas combien ils étaient, mais c'est Kassim. Ça, c'est sûr. Kassim, est-ce que t'as, avec combien de personnes? Il y avait quatre, on était quatre. Quatre, d'accord. Ouais. Ça ressemble à une partouze. Ouais, quatre. C'était un arc-en-ciel de bites. Non, mais trois, toi et trois autres mecs, en fait. Non, il y a des meufs aussi, parce qu'il fallait qu'on rentre dans quelque chose. Putain, mais merde, parle de pas comme ça, putain. Oui, non, mais parce que tu veux. Il y avait deux hommes et deux filles, c'est ça? Oui, j'avais pas fourré mes potes, quoi. D'accord. Et c'est sûr que. Il y en a qui le font, hein. Oui, mais c'est sûr, mais si t'aimes bien le mètre de bite au mètre carré, vas-y, hein, fonce. Oh, d'accord, ok. Faut quand même que tu saches que. Non, mais voilà, ce mec. C'est ce qui a augmenté récemment, c'est effectivement des expériences uniques, des gens qui vont voir un peu comment ça se passe à trois ou à plusieurs. Bon, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Mais les vrais, ceux qui partent tout à fait régulièrement et toute leur vie, sont pas si nombreux que ça. C'est quand même extrêmement limité, quoi que disent ceux qui le font, parce qu'il y a une espèce de prosélytisme autour de ça, de la part de ceux. C'est un mot sympathique, ça, prosélytisme. Oui, genre, ouais, tu vas voir, c'est sympa, c'est cool, et puis t'es pas coincé comme ça, et comme ça tu vas t'épanouir. Non, je pense pas qu'on s'épanouisse dans sa sexualité comme ça. Voilà. Après, comme tu dis, ça peut être une expérience, quoi. Voilà. Peut-être tester une fois. Moi, je pense qu'il faut vraiment verrouiller le truc. Laura, tu peux pas faire ça avec des inconnus. Enfin, je veux dire, rencontrez-vous une fois avant pour voir s'il y a des affinités. Enfin, je sais pas. Bah, les partout, il y a pas de. En général, les gens peuvent se connaître. Mais non, mais ça va. Tu vas pas te faire prendre par n'importe qui, quoi. Enfin, je veux dire, ça se trouve le mec est dégueulasse. Hein? Non, mais c'est t'arrives. Enfin, je pense que voilà, il faut voir le truc, quoi, à un moment donné. Ouais. Donc, dans l'idée, là, vaut mieux que je rencontre les personnes avant. Bah, je pense quand même une fois, quoi. Non, mais c'est vrai que non, t'as raison, j'avais pas pensé à le faire comme ça. Si le mec est dégueulasse, qui se lave pas la tête. Est-ce qu'elle t'a raconté ses expériences, comment elle le vivait, où ça se passait, avec qui, comment? Oui, elle m'en a déjà parlé, d'après ce qu'elle me dit, c'est top et tout ça, mais après. j'adore. Ouais. C'est top. Oui, ah, je me suis fait défoncer par tous les trous. C'est vraiment top. J'ai pris un kilomètre de bite et c'est top. Mais pas toi, Doc. Moi, je peux le dire, Kassim peut le dire, mais pas non, toi. Non, mais attends, à un moment donné, c'est autant, moi, je ne vais pas juger les gens qui vont faire ça, parce que je pense que voilà. Mais autant d'aller, ceux qui le font présentent ça comme vraiment un plus dans la sexualité. Ouais. Voilà, bon, c'est leur affaire, ils ont le droit, si ça les concerne eux. Elle va dans des clubs échangistes ou pas? Non, c'est des trucs, en fait, c'est des soirées chez un pote, par exemple, d'accord. Et ils se retrouvent à plusieurs, mais après, c'est chez eux, il n'y a pas de. Elle l'a peut-être fait une fois, mais. Et après, on est parlé souvent de ça. Après, ça se retrouve sur Snapchat, hein, généralement, ce genre de truc. Hein. Enfin, fais attention à toi. Alice, on te propose un truc comme ça. Tu y vas, toi, ou pas? Là, étant en couple, non, je vais pas y aller. Vas-y, Alice. C'est sûr que quand on est épanoui dans une relation à deux et dans dans sa sexualité, on n'a a priori pas envie de participer à ça. C'est une évidence. T'es toute seule? Oui, c'est sûr. Par contre, je pense pas que je tenterai. Voilà, d'accord. Bon, tu sais ce qu'on va faire, Laura? Je vais y aller avec toi. Comme ça, je serai pour te sécure. Bah, viens, Kassim. Cool. Bah, voilà, je viendrai avec un copain, Kassim. D'accord. On donnera un surnom, Bouche-trou. Oh, mais Kassim! Laura, je compte sur toi, en tout cas, pour, te sécuriser un maximum. D'accord. On sait jamais, quoi. Hein? Pas de soucis. Tu prends soin de toi, Laura. Salut, gros bisous. Des bisous. Salut à toi. Et n'hésitez pas, si vous avez déjà fait une partouze, à nous dire comment ça s'est passé. Hein. Bien sûr, vous nous appelez, on vous met à l'antenne. Remarquez, tous ceux qu'on a eu à l'antenne, ils en font la promotion. Comme s'il y avait pas assez de clients. C'est étonnant, ça. Non, mais c'est surtout que je pense qu'ils kiffent faire le truc. Ils veulent. Côté voyeur, exhibitionniste, ouais, tout ce qu'on veut. Et pourquoi pas, enfin, je veux dire. Mais aussi domination. Parce que dans les clubs, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a beaucoup de truands dans les clubs à partout. Je suis désolé de le dire. Truands, des tueurs. Oui, enfin des. Des killers. Ouais, des truands, quoi. Enfin, ouais. Des malfrats. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Bah, c'est une question de domination, c'est tout, voilà. D'accord, donc il y a de ça aussi. Donc c'est, ouais. C'est peut-être un milieu bizarre, quoi. Hein, faut faire attention. Ouais, il y a plein qui écoutent, qui vont sauter au plafond, moi je m'en fous. Un autre chiffre. Ce soir, c'est le chiffre d'Alice. Un chiffre étonnant, Alice. Et ouais, étonnant, parce qu'apparemment, lorsqu'un célibataire reçoit un sexto, il le montre à minimum 3 personnes. C'est ça, et quand c'est accompagné d'une petite photo, ça peut bien foutre la merde. Carrément. D'ailleurs, Doc reçoit souvent des sextos, j'ai remarqué pendant l'émission, et il nous les montre assez, assez régulièrement. On va rien. On vous attend pour réagir. 01 42 48 5000. Et j'avais promis qu'on écouterait Calvin Harris. C'est le nouveau que vous avez découvert en exclusivité sur Fun Radio. Voici My Way. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Qu'il est bon ce son. Calvin Harris, My Way sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice, dans Love in Fun sur Fun Radio. Chiffre d'Alice, tous les soirs dans l'émission, on a un nouveau chiffre. Ce soir, on parle des sextos, c'est ça Alice? Exactement, parce que apparemment, lorsqu'un célibataire, je précise, hein, pas quand t'es en couple, un célibataire reçoit un sexto, il le montre au minimum à 3 personnes. Au minimum Ouais, minimum. Ouais, ouais. Et encore, quand c'est des photos, du coup, bah, à mon avis, ça doit encore plus tourner. Hein. Ça peut tourner, ça peut même tourner dans un bahut, ça peut même créer la merde. Enfin, faut faire attention. Mais des fois, même sans faire la merde, c'est vrai que t'as des gens qui montent comme ça à leurs potes proches, oh, regarde, pour se la péter un peu, quoi, en fait. Mais moi, je montre pas, moi. Ah ouais, t'es mystérieux. Ah ouais, non. Mais parce que tu reçois pas. Quand tu m'envoies des messages, Alice, je ne le montre à personne. Oh bah dommage, c'était fait exprès. Ah bon, merde. Non, mais sérieusement, qui montre ces messages un petit peu érotiques D'abord, c'est un danger pour ceux qui effectivement sont victimes. Bah c'est désolé. Ça. Désolé. Mais voilà, donc ça devrait être interdit, non? Normalement, on peut se retourner contre ce genre de diffusion. Quand on voit un SMS? Quand c'est une photo, éventuellement, quand on partage la photo de quelqu'un, mais je veux dire, quand tu reçois un SMS un peu hot et que tu le montes à ton pote ou quoi que ce soit, il n'y a rien de fou, quoi. Ouais, bah non, tu l'enlèves si ça ne te plaît pas. Mais généralement, tu fais ça juste pour te la péter un peu, quoi. Tu regardes ce qu'elle m'a envoyé et tout, tu vois, ça chatte. Ah, enfin, c'est pour parler. Yassim, il fait ça, lui. Hein. C'est pour parler de sexe, tout simplement, parce que voilà. Surtout quand on est jeune, on a besoin de beaucoup parler de sexe. La dernière personne qui m'a montré une photo comme ça, c'était Ruben. C'était ton fils, Doc. C'est vrai que Ruben, il nous les montre. C'est vrai, en plus. La dernière fois, je te jure, il y a Ruben, il y a le fils du Doc qui est avec nous en studio. Et la dernière fois qu'il nous a montré, parce que voilà, il voulait se la raconter parce que la nana était plutôt jolie et tout. Ouais, mais on savait pas parce qu'il avait pas la tête. Donc on n'a pas pu savoir si elle était jolie. Par contre, quoi. On a vu ses seins. Ouais. Voilà. N'est-ce pas, Ruben? Ouais, vous avez vu ses seins, en effet. Ouais. Alors voilà, tu vois. Non, et tu l'as montré à combien de personnes? Sérieusement. Mais là, je l'ai montré à mon meilleur pote, à vous. Ouais. Mais si j'ai montré ses seins, c'est parce qu'on voyait pas sa tête. Vous pouvez pas savoir qui c'est. C'est vrai. Ouais, mais bon. Et elle s'appelle comment? On n'en saura pas plus. Ne le mets pas mal à l'aise. Qu'est-ce qu'ils avaient, ces seins particuliers? Bah, ils étaient particulièrement volumineux. Imposant. C'est pas ceux de Katoche. Imposant. Pas ceux de. Non mais ça va pas. Respect. Ah, bien sûr. S'il vous plaît. Puis qui a déjà vu les seins de Katoche à part personne. C'est pas notre genre du tout. Si, elle a eu un passé avant. Ah bah oui. Non mais j'ai aucun problème là-dessus. On va clean son passé. On va accueillir Kelly. Kelly, 22 ans de Besançon, en Franche-Comté. Bonsoir Kelly. Salut. Salut Kelly. Ah, c'est toi qui envoies des petits messages érotiques ou des petits sextos ou c'est toi qui en reçois? Non, pas du tout. Non, c'est les copains avec qui j'ai traîné plus jeune. Ouais. Vas-y, raconte qu'est-ce qui se passait en fait. Tu recevais des messages? Non, pas moi. Eux, oui, mais pas moi, non. raconte alors, ils recevaient quoi comme message? Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Des messages, on sait tous comment. tu peux te lâcher, hein, Kelly. Je regardais, mais je me limitais aux messages, les photos, je laissais tomber, quoi. D'accord. Toi, ça te choque, Kelly? Non. T'as déjà envoyé des petits sextos? Ouais. D'accord. Et t'as pas peur qu'on les montre à quelqu'un d'autre? Ben, après, ça fait 6 ans que je suis avec mon homme, et généralement, c'était au début qu'on était ensemble, et c'était que avec lui, avant, non, donc... On a l'impression que c'est que les mecs qui font ça, mais il y a les filles aussi. Hein, bah oui, Ouais, bien sûr. Je pense que les garçons, oui, un peu exhibitionnistes, les garçons. Lucas, justement, parle garçon. Salut, ouais. Lucas. Salut, toute la famille. Salut, Lucas. T'as 19 ans, t'es à Nevers. Ouais, exact, ouais. Vas-y, raconte-toi. Donc, ouais, bah, moi, je trouve que au niveau des sextos, tout ça, c'est comme de la pâte à tartiner, quoi. On n'a pas à l'étaler, quoi. Franchement, c'est pas ça top, quoi. Toi, t'es un poète, toi. Hein, ouais. Hein, Lucas, la pâte à tartiner. On connaissait la version confiture, mais pas la pâte à tartiner. Lucas, tu vois, tu le montres à personne, toi. Pour toi, c'est privé, quoi. Non, voilà, ouais, c'est privé, on n'a pas à y montrer. Wow, ouais. Je crois que t'as raison. Bah, ça prouve qu'il y a des mecs au moins qui sont sincères, quoi, tu vois, qui balancent pas tout. Qui sont prudents. On a tous déjà envoyé, je pense. On n'a pas à les divulguer ou autre aux gens, quoi. C'est vraiment personnel. Déjà, si la personne en face a des principes ou autre, ou elle est complexée par son physique ou autre. Bah, elle n'envoie pas de photo en général. Généralement, elle oublie la photo. Après, ça dépend. Ouais. Non, mais c'est vrai. Voilà. La personne, elle doit être honnête et pas montrer, quoi. Bah, bravo. Bravo, Lucas, t'es un mec digne de confiance. Dylan, t'es là? Ouais, je suis là. Salut Dylan. Ça m'a rassuré, salut, les filles qui m'ont envoyé plein de sextos ce soir. Salut Dylan, t'as 19 ans, t'es à Poitiers. Et toi, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que tu les montes, tes sextos. C'est ça, tout à fait. Hein, ça s'entend dans ta voix. ça m'arrive en fait d'en montrer, mais j'en reçois aussi des fois, donc c'est vice versa, quoi. D'accord, et donc ceux que tu reçois, tu les montres inversement? Bah, ça m'arrive à mes potes, mais vraiment à mes potes proches, quoi. D'accord, ouais, c'est ça. Donc il y a des photos? Ça arrive de temps en temps, ouais. Ah putain, t'as vu comment on est, sans déconner. Ouais, bon. C'est les mecs, faut, faut pas se mentir, honnêtement. C'est tous les mecs qui sont comme ça. Je suis d'accord avec toi, oui. Et les filles, elles ne le disent pas. Il y a des filles qui ont du culot quand même. Hein, non, aussi. Mais justement, Alice, t'es une meuf. T'as déjà montré des petits sextos, des petites photos que t'as reçues? Ouais, ça m'est arrivé. Mais, ah ouais. Mais parce que c'était vraiment auprès de ma meilleure amie, des trucs pas ouf hein, non plus. Mais ça m'est arrivé quand j'étais célibataire, que je recevais des messages ou que je draguais un peu des mecs. Dès qu'ils commençaient à rentrer un peu dans le super hot, c'était il fallait que je lui montre. Mais elle, par exemple, elle me montrait, mais vraiment, c'était un peu une croqueuse d'homme. Tu voyais elle avait, quoi Elle me montrait les photos des mecs à poil qu'elle recevait, tu vois. Alors, ah ouais, d'accord. Alors que moi, une photo de mec à poil, c'est pas mon délire, mais ouais. elle est dans le partage. Et Timothée, notre auditeur du soir, qu'est-ce qu'il en pense, Timothée? Ouais. Ça va, beau gosse? Oui. Ouais. Toujours. Alors, les photos comme ça, les petits sextos, t'en as déjà envoyé, toi? Pas du tout. D'accord, bah merci pour ton intervention. Non, je pense qu'il est... J'ai une petite question à poser. Ah, vas-y. Ouais, vas-y. Donc, tu peux m'envoyer un screenshot des sextos entre toi et Katoche? Je vais te dire, nous, on ne parle que d'amour, on ne parle pas de. Il n'y a pas besoin de faire des sextos. C'est que ouais, de l'amour c'est entre ça. Nous. Il y a beaucoup d'émotions. Et la sexualité, ouais, en toute intimité, ouais, ça ne vous regarde pas, on la vit parfaitement bien. Voilà. Si c'est ça que vous voulez savoir. Il y a beaucoup de cœur. Hein. Ouais, il lui a envoyé une banane, elle a renvoyé une nectarine, on sait non, pas ce que non, ça non, signifie. Non, non, non, je lui ai envoyé plutôt des cœurs et, voilà, des cœurs, des histoires d'amour, mais pas de trucs comme ça. C'est des pas cœurs, la peine. Des bananes et des abricots. Voilà, et ben merci. Merci à tout le monde. Kelly, Lucas, Dylan, vous repartez tous avec le pack Love in Fun, vous raccrochez pas. Et on sera avec Marine dans un instant. Marine, 23 ans de Lyon, salut la Lyonnaise. Salut, toute l'équipe, Ali, Karel, le doc. Salut. J'arrive pas à croire que tu nous appelles pour ça. Et si. Ah, de quoi on va parler dans un instant, Marine? Eh ben moi, je suis avec mon mec et je le trouve pas beau. D'accord. J'aime un mec qui est moche. Bon. 01 42 48 5000. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui ne nous plaît pas physiquement? Il y a d'autres qualités peut-être. C'est une question dans un instant. 01 42 48 5000. On va écouter Sia sur Fun Radio The Greatest dans 3 minutes. À son énorme, à tout de suite sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. On parle de vos plus gros fails en photo là. Thibaut à la réa, je crois que t'as une histoire toi aussi. Raconte. Bah, moi en fait j'ai voulu envoyer un snap coquin. Coquin genre à ma nana. Ouais. Et le truc c'est que c'est pas ma nana qui l'a reçu, c'est genre une personne que je voulais pas quoi. C'est qui cette personne? Non, c'était ma mère. Non, en vrai. Ouais non vraiment ouais. Non mais ta mère elle a répondu quoi? Bah c'est pas où. Elle m'a envoyé du sein. Qu'est-ce qui se passe Anso? Oh je suis trop contente parce qu'on revient à 22h. Ça marche. Marion et Anso, 22h minuit. The Night Show. Sur Fun Radio. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais t'es calé, toi, en fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et bah nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Moi, valeureux candidat. Moi, trouver job grâce à méthode ancestrale. Moi, faire signaux de fumée pour envoyer un CV. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job en mode Apache. T'es sérieux, là? Bah oui. Mais sors de ton Tipeee. Faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Ah bah, je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. I love you, Fun Radio. Suivez-nous sur Twitter, Instagram et Snapchat avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio ouvre sa boutique officielle. All we need to start is le shop. Rendez-vous sur funradio.fr pour découvrir en exclusivité la collection complète de t-shirts, sweatshirts, mugs, coques et autres accessoires aux couleurs de Fun Radio. Fun. Mais c'est énorme. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Alors passez en mode fun maintenant. Maintenant sur funradio.fr/shop. Let's go. Fun Radio. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Mettez Fun Radio à fond. Fun Radio. Le son dance floor. Salut, c'est Dan sur Fun Radio. I wanna be always. Let my mind be asleep all day. Gonna pack it up, be on my way. Cause I'm motivated, dedicated. Some new every year. I will wake, I will wake. Où sont nos je t'aime? I will wake, I will wake. Time to wake up right. So we have to free our minds and find our mission. Some new every year. I will wake, I will wake. Où sont nos je t'aime? I will wake, I will wake. Time to wake up right now. Dans les airs, vie facile, sortir de la ville et s'éveiller vers la mer. Sommes-nous éveillés? I will wake, I will wake. Où sont nos je t'aime? I will wake, I will wake. Time to wake up right now. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 0-1-42-48-5000. Sur Fun Radio. Et ouais, tous les soirs en direct sur Fun Radio. 20h-22h, 0-1-42-48-5000 pour nous appeler. On va tout de suite retrouver Marine. Elle a 23 ans de Lyon. Bonsoir Marine. Bonsoir. Salut. Salut Marine. Vas-y, dis-nous tout. On veut tout savoir. Ah bah, je vais vous expliquer dès le début. Bah vas-y. En fait, il y a un garçon qui est attiré par moi depuis un an et demi maintenant. Ouais. Et je le trouve pas beau. D'accord. Vraiment pas beau. Et bon, après, je me suis dit, il n'y a pas que le physique dans la vie. Il a des valeurs. Et voilà, il est droit, il est honnête. Et je me suis dit, bon, passe à outre et puis essaye. Donc, ça fait 3 mois, je suis avec lui. Ouais. Mais en fait, j'arrive pas. Parce qu'il n'est pas beau. Je trouve pas beau et je n'arrive pas. Tu n'arrives pas à faire quoi? Et ben, il me plaît pas. Et du coup, ben, il me dégoûte. Et, enfin, c'est délicat et je ne sais pas comment faire. Tu as déjà eu des relations sexuelles avec lui ou pas? Oui, mais par contre, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il est pas beau. Bah, il me plaît pas. Alors, est-ce que au bout d'un moment, il est comment? Il est comment physiquement? Parce que là, tu nous dis qu'il te plaît pas. Et il ressemble à quoi, ce garçon? Bah, c'est un déjà. Il porte des lunettes, alors que j'ai du mal. Hein, il est ça tout va. Sec, ça va. Tout grand. J'ai pas compris là. Il fait un effet un pélo. Il a les cheveux un peu, enfin, mi-longs, qui se coiffent pas. Il a des lunettes. Il est tout fin, tout sec. Mais. Tu sais, Lélie, Mais tu sais, il y a une émission là sur M6 là avec Christina Cordula. Ah ouais, c'est énorme cette émission. Et tu vois des gens qui ressemblent un petit peu à la description que tu nous fais. Et avec un petit peu d'effort, enfin je veux dire, on peut tous être dégueulasse. Il y a pas que le physique. Ça fait 3 mois que t'es avec lui. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Est-ce que vous avez des projets communs? Est-ce que vous sortez ensemble? Est-ce que vos sujets de discussion, est-ce que ça t'intéresse ce qu'il te dit? Ou est-ce que tu t'embêtes avec lui globalement? Pour être honnête, on n'a pas forcément les mêmes points communs, mais je voyais en lui qu'il était droit, qu'il avait des valeurs. Non, ça, tu nous l'as dit, on a compris. Ouais, non, mais voilà. C'est un bon copain, les valeurs. Oui, d'accord, mais. Obligé de coucher avec. Au quotidien, est-ce que tu es heureux de le retrouver, ne serait-ce que pour parler? Parce que le physique, c'est vrai qu'on peut s'y faire. S'il a d'autres éléments qui te charment ou pas, ça, est-ce qu'il sait te séduire ou pas? Je sais pas. En fait, je pense qu'il a tellement essayé de venir vers moi qu'au bout d'un moment, j'ai dit oui pour essayer. Donc, tu ne crois pas que c'était pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, t'es pas obligé. Est-ce que tu penses qu'il ne serait pas mieux de lui dire? C'est pas facile. Ah bah attends, c'est pas facile, c'est comme ça. Bah, ouais. Tu vas pas te forcer, tu vas pas être victime non plus. Tu veux l'épouser ou quoi? Tu veux l'épouser? Non. Non mais il faut être franc. Attends, parce que le mec, il doit te dire à tous les coins de rue qu'il t'aime, j'imagine. Oui, oui. Et toi, tu lui dis je t'aime? Non. D'accord, donc il doit sentir qu'il y a un truc qui va pas. On a Christelle qui veut réagir, elle nous appelle de Béziers. Bonsoir Christelle. Salut Christelle. Salut Christelle. Salut. Ça te parle la situation de Marine, sortir avec quelqu'un que tu trouves pas à ton goût, enfin moche? Bah carrément, je suis déjà sortie avec plusieurs gars qui étaient pas du tout à mon goût. Ouais. Ouais. Et pourquoi? Parce que je voulais pas qu'il y ait d'autres meufs qui s'approchent de lui, donc voilà. Ah oui, d'accord. Ça, je vais me le taper, comme ça je suis sûre qu'il se fait pas une autre meuf. C'est fou ça. Voilà, bah, c'est ça. Christelle, pourquoi ça? Bah parce que je suis sur la route tout le temps et c'est vrai que c'est pas facile d'avoir un gars mignon qui se fait approcher par des nanas et se dire voilà, on rentre à la maison, c'est pas ce qui s'est passé. Ouais, donc en fait, tu choisis quelqu'un de pas top pour être sûr de pas te faire de soucis. Ah oui, c'est ça. Oui, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Okay. Tu fais quoi comme métier, Christelle? Je suis chauffeur routier. Ah, putain. Non, parce qu'en fait, les filles, il y a des filles qui disent effectivement, je vais prendre un mec moche, comme ça, on va pas me le piquer. Bah, c'est exactement l'inverse. Apprenez-le riche, alors. Ah. Faites un effort, quoi. Hein, moche, mais riche. Non, mais je pense que c'est une mauvaise base dans la relation. Dans la relation, il faut qu'il y ait une vraie rencontre. Maintenant, il est beau, riche et intelligent, ton mec? Non, il est beau, il est gentil, il est adorable, il est trop mignon. Non mais il faut qu'il te plaise, c'est ça Marine. Je veux dire, là tu nous en parles comme si c'était un déchet le mec, limite, il se lave pas les... Non mais attends, c'est même pas ça, il ne te plaît pas. Si ça se trouve, il y a peut-être des gens, d'autres filles qui le trouvent très beau. Mais toi, il ne te plaît pas, il faut être honnête avec toi, avec lui. Ouais, consulte-toi Marine. Tu lui dis que vous ne vivez pas ensemble quand même. Non, non, non, non. Tu vas lui dire, je vais plus envie de te voir, quoi. Marine, on l'appelle? Non, c'est rageux. Oh merde, moi j'aime bien quand on appelle. Mais bon, je peux comprendre que c'est un truc pas évident. Ce soir, non, j'ai pas envie. Ah, tu sais, moi j'étais moche. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Ouais. Voici Sia sur Fun Radio. The Greatest, c'est Love in Fun tous les soirs jusqu'à 22h. J'adore cette chanson, qu'est-ce que c'est bon. Je suis en train d'apprendre la choré là. C'est pas évident hein, quand même. Hein. Sia, c'est du lourd. Hein. On Sia a la vidéo en tout cas. Et The Greatest, vous avez filmé ? Merde. Eh ouais. 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. Avec Quentin qui nous rejoint sur Fun Radio. 20 ans de messe. T'es là, Quentin ? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Salut à toi. Salut. Timothée, notre auditeur du soir. Hein. T'es là toi aussi, hein, Timothée. Ouais, je suis toujours là. Ok, d'accord. Quentin, t'appelles pourquoi ? Voilà, j'ai un problème avec ma copine. En fait, au moment d'arriver à la fellation, il y a un petit souci. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle a des rogers. Ah. Elle n'arrive pas à faire un centimètre et j'ai l'impression qu'elle va me dégueuler sur ma bite. Quoi. C'est qu'elle aime pas ça. Tu peux comprendre quand même. Pourquoi elle le fait d'abord ? Mais parce qu'elle a envie d'essayer, tu vois. Et le souci, c'est qu'elle n'y arrive jamais jusqu'au bout. Ça fait combien de temps que tu es avec elle ? 9 mois. 9 mois. Et j'arrive pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, tu voudrais éjaculer dans sa bouche, si j'ai bien compris. J'aimerais, mais après. Non, mais c'est même pas soir. Ça. Elle n'arrive pas à le sucer, Doc. Non, mais il dit jusqu'au bout. Ah oui, c'est-à-dire profondément. C'est ça. Ouais. Bah, écoute, elle aime pas ça. Ça la dégoûte, je sais pas. Elle essaye de se forcer pour te faire plaisir. Voilà. C'est des choses. En termes de sexualité, il faut vraiment partager quelque chose qu'on a envie de faire et non pas faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre. Le spectre de la sexualité est tel que l'on peut effectivement trouver des pratiques qui nous plaisent plus que d'autres, à condition qu'elles soient partagées, bien sûr. Ouais. Tout est possible dans le sexe. Parce que, il faut qu'il y ait une harmonie. Quentin, il y a aussi des mecs qui n'aiment pas faire du cunnilingus, quoi, tu vois. Voilà, moi, j'adore ça. Oui, non, mais bien sûr, tu as peut-être une passion pour ça, mais peut-être qu'elle ne partage pas la fellation, la passion, tu vois. C'est... Après, voilà, je ne l'ai jamais forcé. Elle m'a dit, ouais, je vais essayer. Je pense que je vais essayer. Tout, mais... C'est ça. Je vais essayer. Mais je vais essayer. Parce qu'en fait, dis, si t'as pas envie, tu le fais pas. Parce que Quentin, il a trop envie de se faire pépon. Hein, c'est pour ça. Et il comprend pas pourquoi elle veut pas. Je crois qu'elle essaye de se forcer. Ben, voilà, pour te faire plaisir. Mais elle a pas envie. Dis-moi, sexuellement, ça se passe comment par ailleurs ? Très bien. Voilà, c'est ça le plus important. Mais oui, bien sûr, c'est pas parce que t'auras pas de poupinette. T'as pas hein, le catalogue de la sexualité. Il faut, tu sais, genre, bon, qu'est-ce c'est qu'il ça. Faut que je fasse au total pour être complet ? Non, c'est pas ça. L'harmonie dans la sexualité, c'est le plaisir partagé et le bonheur qu'on a à le faire, tous les deux. En fait, tu comprends ce qu'on essaie de te faire comprendre, en fait, Quentin ? Oui, je comprends. C'est que ça pas. Mais... Tu vois, si tu continues, elle va vraiment te vomir dessus, quoi, tu vois. Ça passe mais pas le pas truc, ça. Quoi. J'ai pas envie d'en arriver jusque-là, tu vois. Déjà, ça me dégoûte quand je vois que. Mais elle essaie de me pomper, et puis je vois, elle a des rogers, on dirait qu'elle me dégueulait plus. Non, mais est-ce que t'as compris ou pas ? Parce que si oui, tu veux pas comprendre, tu comprends pas. Hein. Ça, tu vas pas te forcer compris, à comprendre. Compris. D'accord. Voilà. Non, j'ai compris, mais oui, après moi je la force pas, quoi. Bravo, Quentin, c'est mieux. C'est mieux, je sais pas ce qu'en pense Timothée, notre auditeur du soir, ce petit problème de fellation, Timothée. Oui. Oui, tout à fait, tu as 12 ans, je rappelle. Hein. C'est peut-être, oui. Oui, ça, tu comprends les mots qu'on a utilisés hein. Je viens surtout de comprendre que mes parents m'écoutaient. Ça va, t'as pas dit que des conneries ce soir, Timothée. Non. Quentin, tu te fais une grosse bise, mon Quentin. Ouais. Merci à toute l'équipe, vous êtes génial. Salut à toi, Quentin. Et Timothée, tes parents, ils écoutent là. Tu peux nous les passer vite fait là, juste avant de retrouver Marion Manso. Allez, vas-y, descends. Vas-y. Ah, si papa écoute, effectivement. Écoute à la radio. Il l'a posé, puis il peut la trouver gênante. Ah, on va leur dire que leur fils a été super. Oui. Qu'il a assuré et tout. Pas de gros mots, pas de vulgarité. Bon, juste mais parce que la science est effectivement une fée. Bien sûr, une petite fée. Alors, on en est où, Quentin, là, au niveau de tes parents ? Allô ? Ouais. Allô ? Oui, on t'entend, ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'ils veulent pas trop. Ils veulent pas trop. Bah, tu leur donnes pas le choix, bon, donc tu leur donnes le téléphone. Hein ? Écoute Quentin, je te remercie beaucoup en tout cas pour... Ils sont pas fâchés tes parents aussi ? Ouais, non. Non. Ça va ? Ils disent plus rien. Ils sont pas en galère ? Ils ont pris le téléphone. Ah oui, c'est vrai, j'appelle Timothée Quentin, pardon. Timothée, donc tes parents veulent pas nous parler ? Non. Eh ben c'est pas grave, on n'a plus envie non plus. Timothée, est-ce que tu veux passer un message dans toute la France, faire une grosse dédicace ? Ouais, est-ce que je veux faire une petite pub, mais c'est pas trop pour la concurrence, mais c'est pour une radio associative. Ça va, c'est bon. Vas-y. Vas-y, fais de la pub. Alors, retrouvez-moi demain dès 17h sur le www.rgaradio.fr. Merci pour la musique derrière. Et je fais une dédicace à Guillaume et à Miguel. Et ben voilà, un vrai pro à 12 ans. Hein. Ah, franchement, bravo. C'est pas mal. Tu reviens quand tu veux, mon Timothée. Et nous, d'ailleurs, demain, petite info, à partir de 19h, avant le début de l'émission, on sera en Facebook Live. Vous pourrez nous poser plein de questions. Comment on fait pour nous poser des questions, Alice? Eh bien, tout simplement en commentant le Facebook Live. Voilà, à partir de 19h, c'est aussi simple que cela. Hein, on se retrouve en direct à partir de 20h et dès 19h en Facebook Live. On va retrouver maintenant Marion et Anso. C'est le Night Show qui va commencer. Bonsoir les filles. Bonsoir les filles. Salut. Bonsoir. Ça va? Oui, au top. Il est avec vous ce soir? Ah là, ouais. On est contente. C'est qui? Soprano. C'est vrai qu'il est bon, hein, putain, non, Soprano. Mais, et en plus, c'est vraiment un mec qui est vraiment hyper cool. Et ouais, c'est vrai. Voilà. Comme toi, Karel. Non, mais ça fait partie de ces artistes qui sont à la vie comme à la scène. Ah, exactement. Les gars, quoi. J'adore utiliser des expressions pour draguer Anso, en fait. Ben, on a compris. Je sais qu'elle adore. Ça marche pas. Je ne suis pas indifférente. J'ai l'impression que vous êtes de trop. Laissez-nous, Anso et moi. Allez, gros bisous, bonne émission. Salut les filles. À demain. Salut. Ciao. Dans le système radiophonique, les membres du Night Show sont considérés comme particulièrement talentueux. À Fun Radio, les deux filles qui animent cette émission de 22h à minuit forment une unité d'élite appelée Marion et Anso pour les intimes. Voici leur histoire. Tous les soirs, 22h à minuit. Welcome to the Night Show! Marion. Et Anso. Le Night Show sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir la France. Bienvenue, vous écoutez Fun Radio. On est en direct avec vous jusqu'à minuit. Et nous allons effectivement mener une enquête ce soir grâce à cette musique de Thibaut Alaria. Merci beaucoup. J'adore. Ça va, Marion? Ouais, j'adore cette série là. Ça me met en condition. Ça va très bien. Bonne journée. On était avec nos copains de Golden Moustache là tout à l'heure. Ouais. Ils sont cool. On les a reçus hier. McFly et Carlito. Allez mater la vidéo sur la chaîne YouTube. Franchement, c'est hyper drôle. Et là, tout à l'heure, on a été les soutenir là pour leur prime, donc hyper sympa. Ouais, merci. C'était très cool et vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo de McFly et Carlito sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Elle est hyper drôle cette vidéo. On a joué à 1, 2, 3 proutes. Si vous vous demandez ce que c'est, je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est un peu gras comme on aime. Ouais, en même temps, c'est parlant. 1, 2, 3 proutes, ça donne 2, 3 indices. Voilà, c'est ça. Bon, ce soir, grosse émission, les amis, puisqu'il sera là, c'est Sopra. Alors. Je vous le dis direct, Soprano, on lui a réservé de grosses surprises. On va se marrer, on va faire du Facebook Live parce qu'on a envie de vous faire partager tout ça. Franchement, ça devrait être une soirée de malade. Anso, comme ça, c'est quoi ton titre préféré de Sopra, tiens? Le pain, je suis fan le de cette pain. Chanson. Eh ben d'accord. Amir, ouais. Ta chanson préférée de Sopra? La dernière. Ah bah en feu, bon bah ok. C'est ma je la kiffe. Moi aussi j'aime bien ça. Et ça tombe bien parce qu'il va nous faire un live de ce titre tout à l'heure. Vous savez quoi, je vais danser, je vais santé, je vais tout faire. Et c'est parfait. Je vais santé, ouais. Tu vas santé. Ah, mais je sens beaucoup. Et quand Sopra va partir, on va se refaire de la libre antenne comme chaque soir, les amis. 01 42 48 5000. Ce soir, on vous a trouvé les records sexuels les plus ouf du monde. Les trucs de dingue. Ouais, quand je dis ouf, je peux pas tout vous dire maintenant, mais c'est vraiment des performances. Vous pouvez même pas y penser en fait. C'est dingue, c'est drôle. Donc voilà, soyez au rendez-vous. On va passer une soirée de malade. Et puis il y aura du son aussi ce soir. On va écouter Sib. Ah, c'est bon ça. Et puis Sac Noël, le tout nouveau. Voilà, complètement smooth. Ça, c'est smooth. J'ai l'impression que c'est Sean Paul derrière. Hein. Ah, bah oui, c'est lui. Ah, c'est Sean Paul ouais, qui chante. Sean Paul. Bah, de toute façon, moi, je le reconnaîtrai entre mille, mon Sean. Bonsoir, Amir. Salut. Ça va, Bichon? Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes? Non, mais excuse, il boude parce que je me suis moquée de lui quand il a dit qu'il allait santé. Oui, bah c'est vrai que santé, c'est un peu. Voilà. Ouais. Et bah vivement que Soprano arrive. Oh, bon, ça va, t'as kiffé toi aussi le petit verre avec Golden Moustache, c'est sympa. Mais qu'est-ce que j'ai fait que bouffer? Oui. Ah non, mais Amir des réseaux sociaux, c'est quand même le gars le plus pique-assiette au monde. Ouais, ah, c'est mais, vrai. Enfin, voilà, faut le savoir quand il nous invite pour des cocktails, etc. Bah moi j'y vais pour la bouffe avant tout. Oh non. Et non mais en plus je suis honnête, j'y vais pour la bouffe. Il y a tout le temps des mini burgers. Ouais, ils étaient tellement bons. Ils étaient hyper bons. Enfin bref, les filles, est-ce que vous recevez beaucoup d'emails? Bah oui. Oui. Ça nous arrive. Là, vous répondez à tous les mails vraiment? Je parle dans votre vie privée, hein, pas l'émission. Pas moi. Bah non. Et bah à la fin du mois, même demain, à partir de demain, Google, allô, ça vous parle? Non, parce que c'est une application qui va répondre à vos mails à votre place. Mais comment comment c'est possible? Alors c'est une espèce d'algorithme, c'est un truc un peu secret que Google a préparé depuis un moment. Et bien ça s'appelle Google Allo. et ça va répondre à vos mails. Eh bien, à votre place. Mais je comprends pas. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui me dit Marion, est-ce que tu es disponible demain? Il peut pas savoir à ma place si je suis disponible demain. Eh bien, ça va envoyer des messages instantanés. En fait, en gros, ça va reconnaître la phrase. Ouais. Et ça va répondre pour le mettre en attente. Pourquoi tu rigoles? Et donc, ça, c'est disponible dès demain. Eh bien, tu sais quoi? Je vais tester pour voir si ces informations sont vraies. Google Allo, c'est gratuit? Je me pose des questions sur ma place disponible. Mirou, mais si on te croit, et franchement, c'est une super idée. Bravo, ouais. Mirou. Ouais, franchement, j'ai vivement demain pour une autre idée. Dites, encouragez Amir sur ses découvertes d'applications avec le hashtag Le Night Show. Non. Dites-nous si vous avez testé, si ça vous plaît, si vous aimez, si on continue dans cette voie ou si on arrête dès demain. Et puis surtout, continuez à nous rejoindre sur Marion et Enzo partout, en Facebook, Twitter, tout ça. Faites changer de radio, moi. Ça va. Bonsoir, Thibault Larrea. Salut les filles. Ça va toi? Ouais, bah en parlant de Google, moi j'ai pensé à vous, tiens, aujourd'hui. Ah, pourquoi? Dis-nous. Ouais, je tapais sexy dans Google et je suis tombé sur votre page Facebook. Voilà. Oh, c'est tellement faux. Oh, ouais, mec. Il y a quand même deux, trois meufs qui sont avant nous. Non. Je pense qu'il faut que tu te remettes dans l'écriture parce que là, on sent que tu perds un peu ta prose, quoi. Ouais, mais c'est parce que je suis de plus en plus à l'aise avec vous, ça y est. Et c'est bien. Mais nous, on aime bien quand t'es lèche-cul, donc rebosse, mon pote. Demain, je vous fais un poème alors. Merci. Merci. Mais... Oui, Amir. On a même pas raconté qu'on est sorti hier et tout ça? Bah ouais. Ah ouais, on va y venir. Attends, pas tous les dossiers. En plus, on a de la vidéo, on a du snap. Bon, on attend un instant. Ok, suspense. Parce qu'il y a eu du dos. Voilà. Il n'y avait pas qui a pécho, mais des gens ont pécho. Il y a des gens qui ont pécho dans cette équipe. Ouais. Bonsoir, Enzo. Salut les filles. Ça va toi? Super, j'ai passé une bonne journée. Je suis un peu fatigué par rapport à hier, mais ça va. Oui, c'est vrai qu'on est rentré tard. Enfin, nous, ça va avec Enzo, on a été raisonnable. 3h, 3h30. Alors, les garçons, c'est notre histoire. Ouais. Les garçons, ils se sont fait kiffer jusqu'au bout de la nuit. On vous dira les doses tout à l'heure. Franchement, Yannick, tout ça, bon, on en parlera, mais ça va. Ça elle va. Était sympa, non? Ouais, elle était sympa, la soirée. Ouais. C'était la même pour tout le monde, t'as fait. Ouais, on vous en parlera tout à l'heure, mais je crois que cette nana avait faim et elle a bouffé un peu à tous les râteliers. Voilà. Bon, les garçons, présentez-nous le ou la première auditrice de la soirée, s'il vous plaît. Alors, c'est Charles, il a 20 ans, il habite à Paris, il est caissier et aujourd'hui, en fait, on lui a fait une proposition de dingue que personne pourrait refuser. D'accord, par contre, il habite à Caen. Hein. Ah ouais. Bonsoir, Charles. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Ça va Charles? Ça va nickel et vous? Mais oui. Bah ouais, très bien, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta petite vie de caissier? Bah en fait, si tu veux, je suis en contrat étudiant. Et je viens de commencer donc mon contrat étudiant cette année. Et pour, entre guillemets, ma formation, j'avais une caissière derrière moi. Et arrivé à, au bout d'un moment, il y a une cliente qui arrive, qui n'avait pas l'appoint. Elle payait en espèces, elle n'avait pas l'appoint. Et elle m'a sorti, bah si vous voulez, je vous donne mon numéro de téléphone, on se retrouve à la sortie du magasin, puis... je peux vous régler autrement. Mais non, arrête. J'y crois pas du tout. C'est véridique, c'est véridique. La caissière derrière moi se bidonnait, elle en pleurait de rire. Ah non. Et les clients, ils regardaient le sol tellement qu'ils étaient gênés. Et t'as fait quoi du coup, Charles? Ah bah j'ai piqué un phare. De une, j'ai pas le droit, et de deux, enfin. Mais je pense qu'elle était beaucoup plus mature que moi. Donc à mon avis, c'était une vanne. Elle a dit ça comme ça pour s'en sortir, tu vois. Elle l'aurait pas vraiment fait. Ah je sais pas, mais elle avait l'air vraiment sérieuse, quoi. Eh ben, franchement, pas mal, hein. Par contre, Charles, piquer un phare, cimetière des mots, hein. Ouais, on n'utilise plus ça, mon pote, hein. Eh ben, écoute... Ah non, mais trop gênant comme situation. Oui, c'est gênant, mais c'est flatteur. Ça veut dire que tu es beau gosse et tu dois plaire aux petites clientes comme ça. Ou ça veut dire qu'elle a pas d'honneur et qu'elle paye comme ça tout le temps. Pas faux. C'est pas faux, Charles. Bien, tu sais quoi, réfléchis à ça et pèse le pour et le contre. Et surtout, tu nous appelles si jamais il t'arrive d'autres anecdotes dans le genre, d'accord? Pas de souci. On t'embrasse, Charles. Bisous, bisous. Bisous. Bisous. Oui, très sympa ce Charles. Ah, j'aime vraiment. Bien. Ah oui, alors ouais. Ça, on démarre bien l'émission. Allez, restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, eh ben, il sera là, puisqu'on vient de le voir. Oui. Hein. Il est passé comme ça, clopin-clopin devant le studio. C'est Soprano qui débarque, 01 42 48 5000 pour lui poser vos questions. Et pour le son, c'est Major Lazer. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low?